l'immigration. Exactement le mot qu'il faut pas. C'est ça. De retour de Comic-Con, épisode spécial ce soir, donc on va faire notre récapitulatif. Eric Milter, comment ça va les boys? Très bien, fatigué. Fatigué, grosse fin de semaine bien. En famille là-bas, là, c'est épuisant. Ouais, j'imagine, surtout toi avec la trolley de. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Toi Eric, comment ça va? Ça va super bien, moi aussi un petit peu brûlé de la fin de semaine, mais tu sais, c'est un bon brûlage, tu sais, quand tu te sens bien, t'es fatigué, mais t'es content du résultat. Ben, tu sais, c'est le genre de lundi que t'arrives au bureau avec les cernes en dessous des yeux, mais le gros sourire dans la face. Oh, ouais. Pis t'es content, t'as vu plein de belles choses. Ça vous a-tu fait ça, vous autres? Moi, je pense, surtout avec Rick, pis toi, tu l'as sûrement vu, mais quand on a enregistré dimanche à la fin de l'événement, j'ai eu comme un petit buzz de « Ah, fuck, c'est fini. » Oui. Puis là, c'est comme pas avant l'année prochaine, puis là, c'est fini. Ouais, puis... ouais. Ben moi, j'ai eu ce buzz-là un peu... Mais, tu sais, c'est le débuzz d'une conférence, là, je veux dire. Que ça soit une conférence que je vois pour la job, que je vois pour de mes passions. À la fin d'une conférence, c'est toujours comme, ah, ça, à la prochaine. Mais j'adore les conférences. C'est le débuzz de tout, si on peut dire. Là, tu vas à Ronde, puis quand tu t'en vas, puis tu fais comme, c'est mon dernier manège. Puis là, la marche, je vais vers le char, puis... Ou le métro. Ou quand t'es en train de sortir de Beaumont après le festival de chocolat. Ben ouais, peu importe où tu vas. C'est fini, là. C'est comme un petit... Mais bref, ce débuzz-là a été occasionné par un super bon week-end, trois jours, au Palais des Congrès de Montréal, dans le cadre de Montreal Comic-Con édition 2013. Ça suit par Grand Theft Auto 5, fait qu'on va pas trop chialer. Mais ben, c'est ça. Un autre sujet. Je suis surpris qu'on soit capable d'être les trois autour d'une table avec des micros, sans que Milter ou Eric aient une manette dans les mains. Elle est pas loin. C'est difficile. La télé est là. Le PlayStation est allumé. Donc, Montreal Comic Con, c'est quoi exactement? C'est un festival à Montréal, un genre de conférence, un événement qui a pris place en 2006 à la place Bonaventure, qui était la première édition. Aujourd'hui, on est rendu en 2013. L'évolution au fil des années, on a vu en 2007, c'était toujours à la place Bonaventure, avec 700 personnes qui sont allées là. En 2008, juste 700 personnes en 2007? En 2007, la deuxième édition de Comic-Con à Montréal, il y a eu 700 personnes là-dedans. Aïe, c'est fou comment est-ce que ça a explosé dans les couples d'années, ces affaires-là. Ça a explosé raide, on va pouvoir faire l'évolution en chiffres. 2008, on parle de 1100 personnes. En 2009, on a passé le cap des 4000 personnes. On avait Lou Ferrigno comme invité, Jeremy Bullock, Honky Tonk Man, puis Brad Swale. Oh, on a manqué un méchant. Honky Tonk Man, c'est sûr que ça devait être assez débile. Coco Beware, était-tu là aussi? Ou... Qui ça? Coco Beware. C'est-tu des affaires de lutte, ça? Oui, continue. Le black avec un perroquet. Oh boy, OK. Donc, en 2010, ben, toujours à la place Bonaventure, 8300 personnes cette fois-ci. Moi, je pense que c'est en 2010 que j'ai commencé à y aller. Avec Brent Spinner, Billy Dee Williams, Peter Mayhew, Ethan Van Sciver, Derek Robertson, Leonard Kirk, Herb Trimp, Dale Eaglesham, Elvira, Mistress of the Dark, Larry Hama, Tim Sale, Kirby Morrow. Là, je pense que je les nommerai pas toutes à chaque... Kirby Morrow, Morrow, c'est pas Morrow. C'est le gars Herbie Morrow, le black, là, avec... Oui, oui, mais la version rose, que lui, il souffle bien fort puis il avale tout. Oh. Puis j'aimerais noter aussi que Elvira, c'est une très belle rousse. Oui, oui. L'ironie est là. En vrai, là. En tout cas, continue. Attends, elle est rousse pour vrai? Oui. Ouais, puis elle est très jolie. Là. Madame de 63 ans. Fait d'hiver, là, je me rappelle d'un film avec Elvira quand j'étais jeune, qui jouait à super écran, puis j'ai jamais été capable de le retrouver. Si quelqu'un garde à trouver le titre, puis de l'envoyer sur Twitter, ou autour de la table. Je dis ça de même, mais un de tes amis, et je crois auditeur, Alex, a envoyé un lien de cette vidéo-là sur mon wall il y a deux semaines environ, justement. Fait que, en français, en plus. Le film ou le... Son show de film série B d'horreur aussi. Le film de Elvira, ok, Elvira, ouais, je sais quel. Ok, il va faire, j'écoute. Parce que pour moi, Elvira, c'est toujours. Elvira, c'est qu'est-ce qui suivait Saturday Night Live quand j'étais ado. Ouais. Après Saturday Night Live, t'avais le show d'Elvira avec ses films de série B. C'était trop mais cool. De même, je dis ça de même, avec la croissance du monde qui vont à Comic-Con, là. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont. Je ne vais pas utiliser le mot victime dans ce cas-ci parce que c'est bon, là. Mais la publicité et le succès de d'autres Comic-Con fait que eux, ça les aide publicitairement. T'sais, dans, ouais, mais c'est pas, normal. Je veux dire, le phénomène de Comic-Con a grossi partout. Ben oui. Et pas juste ici ou pas. C'était pas gros ailleurs, puis qu'ici on était en retard, mais. Vu que c'est devenu populaire, puis comme à San Diego, là, le gros méga populaire, tout le monde y parle de ça partout, comme si c'était un gros événement de couverture. Fait qu'ici, on dirait que ça a mais donné en parlant de la crédibilité grossir, à ce style de festival-là. T'es rendu à quelle année? Hein? Ben là, on est 2010. Rendu en 2010, qu'il y avait 8300 personnes, toujours à la place Bonaventure. Fait que c'est croissant. C'est là croissant. Que ça commençait, d'après moi, là, vraiment, là, comme je te mais dis, à Montréal, tout, en ben, tout cas, partout, ouais. Là, mais... vu que les autres étaient big à Montréal, le monde commençait à. Ben, tu sais, c'est là qu'on a vu catcher, aussi. On a passé de 8300 de 4000 personnes en 2009 à 8300. Ça a doublé. Là, eux autres, c'est sûr qu'ils ont commencé à avoir des petits problèmes à cause que les salles n'étaient pas assez grosses. Donc, ils ont été obligés de prendre le main hall à la place Bonaventure, donc le hall central. En 2011, ça, c'est une année que moi, je me souviens, c'était le bordel avec les line-up. Quand vous allez entendre certains des titres des personnes qui étaient là, c'était le gros bordel, OK? Place Bonaventure, toujours. Il y a eu des problèmes au niveau de la logistique des billets, les line-up. Place Bonaventure devient trop petite pour accueillir Comic-Con en 2011. On a des têtes d'honneur telles que Stan Lee, Adam West, Burt Ward, James Marsters, Doug Brayley, Sid Haig, Michael Dorm, Miranda Sirtis, David Prose, regarde, j'ai peur de sauter par-dessus quelqu'un. Le Sergent Slaughter pour les fans de lutte. Puis de G.I. Joe. Et de G.I. Joe, effectivement. Mais en gros, là, des grosses têtes d'affiches comme ça, ça a attiré plus de 20 000 personnes en 2011 à Comic-Con. Donc on a non seulement doublé, on a doublé en dépassant à ce moment-là. Pour la première fois. Voyons, les pompiers, le bureau des pompiers de Montréal sont arrivés puis ont dit vous avez pas le choix, vous mettez une limite des gens qui entrent. Parce que là, il y a trop de monde dans le hall, ça nuit, vous pouvez plus faire rentrer personne, ils ont été obligés d'arrêter la vente de billets. Donc, je m'en rappelle, moi j'étais avec Nick puis Val, il avait fallu que on contourne le système en achetant des billets sur mon iPhone. Parce que personne n'achetait des billets sur leur iPhone. Parce que personne n'achetait des billets en ligne. Fait que moi, je les ai achetés, je les ai imprimés par eux autres parce qu'ils avaient fermé la billetterie sur place. Mais ils vendaient encore des billets en ligne. Fait qu'on a réussi à rentrer, mais t'avais un line-up. Ça a pris 2h30 avant de rentrer. C'était le bordel. Mais c'était génial en dedans. On saute en 2012, où on est allé l'année passée. Palais des congrès de Montréal, la première édition Palais des congrès de Montréal. On se dit 20 000 personnes. Ils ont passé à combien de personnes, selon vous? 30. 30, toi, Milter, tu dis? 42. 42, en fait, c'est 32 000 en 2012. 42, ah, est-ce que l'année t'as pogné? C'est ça. L'année passée, nice try. On a eu Patrick Stewart, William Shatner, Will Wheaton, Brent Spinner, John Delancey, Malcolm McDowell, James Marsters. Il y avait du monde. Kevin Sorbo, hein? Cole le Conquérant, on s'entend? Cool. Don't fuck with that. Mais... 32 000 personnes, puis c'est la première édition qu'ils ont faite au Palais des Congrès. 30 secondes. Et Hercules? Hercules. Mais il y a tout le temps aussi Lloyd Kaufman de Trauma là, pour les fans. Là, de, ouais, il y a un beau boot. Oui, là, ouais. Il est tout le temps là, boot puis panel, conférence qu'il fait. Mais donc, ils ont fait ça, là, 32 000 personnes, puis cette année, septembre, le 13 au 15 2013, au Palais des Congrès, Gillian Anderson, Christopher Lloyd, George Takei, Sean Astin, Jason Mewes, Felicia Day, Edward James Olmos, James Callis, Michael Hogan, Tamo Pennekit, Jason Momoa, Jason David Frank, il y a eu du monde en Sean masse. Astin. Sean Astin, Chris Brett Jericho, Hart. Kevin Nash, Bret Hart, Maryse Ouellette. Chris Jericho était plus là, hein? Il était plus là. Ah, bon, ben, gars, je l'ai dans ma liste, il va falloir que je l'ajuste. Ouais, Ray Park qui était là. Mais en gros, là, 42 000 personnes. Fait qu'on a passé, là, de 2007 à 700 personnes en 2013 à 42 000 personnes. 42 Succès total 000. Pour l'organisation. Puis le pire là-dedans, c'est, je dois l'admettre, cette année, c'était l'année la plus fluide possible. Les line-up étaient bien faits, c'était facile de rentrer. Chapeau à l'organisation. Ouais. Regarde, moi, j'ai vécu le 2011 dans Place Bonaventure où ce que ils étaient victimes, justement, comme tu disais, ben, de leur succès. Où il y vous avait étiez pas là le monde. Vendredi à l'ouverture, par exemple. J'ai dit ça de même. Mais ben, moi, ça va faire partie de mes suggestions pro-tip. Parce que, ben, en tout cas, moi, parce que moi, vendredi, ça l'ouvrait à 3h, puis on pouvait, à cause de la passe de luxe, rentrer à 1h. Ben, à cause qu'ils disaient que les commerçants étaient pas prêts, ce qui est... Non, mais c'est 1 heure d'avance, par exemple, la passe de luxe. C'était 2h, le ça. Vendredi. C'est ça. C'était, la passe de luxe permettait le vendredi 2 heures d'avance, le samedi 1 demi-heure et le dimanche 1 demi-heure, ce que d'après moi vaut rien le samedi ça dimanche. Là. Mais le vendredi, c'était 2 heures. Mais on mais était attends. Dans. Attends, on était dans un line-up, là. Les portes ouvraient 1 heure, mais vu qu'ils disaient que les commerçants disaient ne pas être prêtes, ils ont ouvert les portes vers 2 heures. Donc, dans le fond, notre passe de luxe nous a été coupée de 1 heure d'avance d'ouverture, de 2 heures d'avance, comme ils disaient, à 1 heure d'avance. Moi, j'étais arrivé à 4h30, j'ai rentré en... Non, mais attends, la passe de luxe, c'est supposé être 1 heure d'avance. Non, c'était 2 heures. Le vendredi, c'est... Ah, le vendredi, c'était 2 heures juste d'avance? Juste pour le vendredi, c'est, okay. Ça l'ouvrait techniquement à 3 heures, okay. Mais on pouvait rentrer à 1 heure avec la passe de luxe sur papier. Okay. Mais ils ont ouvert les portes vraiment à 2 heures. Mais rendu et là... Et samedi, dimanche, c'était, ça l'ouvre à 10h le matin, mais les passes de luxe pouvaient rentrer à 9h30, ce qui est à rien du tout, une demi-heure rendu là. Ah, mais même là, pis ça, honnêtement, regarde, moi, je te dirais, c'est pas mon premier, vous autres non plus, c'est pas votre premier. À part pour magasiner, là, honnêtement, rentrez plus de bonheur. Parce que là, OK, oui, pour aller voir les conférences, ils ont des line-up qui ont vraiment bien organisé cette année. Il y a un peu moins de monde sur le plancher. À part si t'es un gars qui cherche absolument l'édition 62 de X-Men Limited Print, telle affaire, puis tu sais que tel gars de comic devrait l'avoir, ça, le fait de rentrer plus de bonheur, ça a-tu une si grosse différence que ça? Oui, quand je t'écris que c'est un privilège sur ton billet et que t'as payé plus. Mais je pense que t'as ça. Plus que ce privilège-là. Comme je suis d'accord avec toi, moi, c'était il y a juste un autre parce privilège que ça, qui est j'étais là avec mon gars. On n'avait ouais, pas tout, grand tout, je temps vendredi, trip, puis je comprends. Comme, ben, je suis pas un gros bad trip. Là. Mais je comprends que, ta situation pour comment ça peut être aggravant. Surtout le fait que la fille, elle disait, les commerçants disent qu'ils sont pas prêts, mais rendu là, si le gars, il a 2-3 boîtes de BD à sortir ou une couple de paquets de cartes à placer, c'est pas grave si je le vois faire, là. Mais laisse-moi me promener pour les autres qui sont prêts. T'sais. C'était plus ça. Ah, ça, c'est un fait. Mais regarde, c'est le commerçant, c'est son problème, il s'installera, c'est pas le mien. J'ai trouvé quand même que l'avantage de la passe de luxe, du point de vue de moi, qui est arrivé 1 heure à peu près à la sortie, puis surtout samedi, ouais. C'était smooth en crisse rentrer dans cette place-là avec cette passe-là, parce que on rentrait ça pour ça, de la même cool. allée que les Deluxe puis les VIP. Deluxe puis VIP rentraient dans la même passe, puis quand tu rentrais au début, là, pendant même 1 heure après l'ouverture, on avait un escalier de réservé pour nous. Ouais. Tu passais à travers tout, puis tu voyais les grosses lignées pour les personnes qui avaient des passes de 3 jours normales et régulières. Ça, je suis d'accord. Fait que ça, c'était aussi un gros avantage. Tu sais, même s'il y a un peu de cafouillage, dans le fond, c'est ça l'avantage. Ça vaut la peine pareil. Parce que tu skips. À la limite, moi, tu vois, regarde. Mais en plus, on l'a acheté comment de bonheur, puis on avait un spécial. Oh, ouais, ben, il y avait 10 piastres de rabais dessus. Tu sais, quand même. C'était là, quoi, c'était 75$? 75 normalement, puis avec le acheté promo code, c'était 65. 3 mois en avance, 3 jours. Là, on chiale pas. Non plus. Puis on s'entend que les billets du samedi, je pense, ils étaient 34 en ligne, puis ils étaient 40 si tu payais à la porte. Tu sais, ça, c'était, ils donnaient un discount si tu l'achetais en ligne pour inciter les gens justement à prendre les billets d'avance. Ça, je trouve ça cool quand même. Ben ouais. Mais j'étais encore surpris des gens. Juste petite note, là. Ouais. Très surpris, puis j'ai eu des conversations avec des amis. Pourquoi qu'on n'achète pas en ligne? Pourquoi qu'en 2013, il y a tellement de gens qui ne croient pas aux achats en ligne? Puis je vais pas name-dropper des noms de mes amis parce que je veux pas les humilier. Mais comment, tu m'envoies un texte samedi à 11h30 midi, puis tu capotes à cause de la ligne, puis tu es là pour acheter le billet live. Quand tu aurais pu l'acheter, c'était même billet-là des mois en avance. Ouais, moins cher, puis l'avoir imprimé dans tes poches. Ah, je reçois un texte de mon ami Ping. Ping, je t'ai droppé. Mais il est en train de me dire comment est-ce qu'il peut pas rentrer en ce moment. Puis tout ce que je reçois, c'est des textes et des textes. C'est sûr que je jette en avance, c'est sûr que je jette en avance. Puis c'est la même affaire dans un Star City. Acheter en ligne, Chris. Bon. Ah, mais tu sais, d'un autre côté, regarde. Premièrement, c'est pas mal tout le temps les mêmes fins de semaine, année par-dessus année, depuis 2007. ils te donnent un discount, t'as un gros rabais, là, t'as un coupon rabais, t'es inscrit, t'as un code qu'ils ont fait durer pendant des mois et des mois pour acheter en ligne. Ils prennent les cartes de crédit, puis je pense même qu'ils prenaient débit. PayPal, ouais, ils prennent débit, tout. PayPal, fait, à ce moment-là, regarde, ça accepte quasiment toutes les méthodes de paiement à vie. Tu peux les acheter d'avance, t'as un rabais versus la porte, puis tu vas encore te présenter, puis faire un line-up, puis l'acheter à la si porte. Si tu vas sur le site, là, présentement, t'as les dates annoncées pour déjà 2014. Fait que, tu sais, tu peux planifier tes vacances oui, ou ta fin de semaine de congé un an d'avance déjà, là. T'as même pas eu bien en vente, puis tu peux juste dire la puis semaine du 14 annonce, au 16, bang. Aussitôt qu'ils annoncent les invités, là, t'achètes tes billets tout de suite, parce que c'est sûr que c'est ces invités-là que tu vas voir. Puis tu sais, d'un autre côté, ben ça, peut-être pas, là. Non, c'est pas la faute du Comic-Con. Mais c'est pas de leur faute, de la game, mais d'un autre côté, tu vois, ça, j'ai trouvé ça cool. Cette année, il y avait beaucoup de monde qui venait de l'extérieur. Ouais. Ouais. Il y avait du monde qui venait de Houston, au Texas. Il y avait du monde qui venait de l'Australie. Tu sais, du monde qui venait d'un peu partout au globe. Puis c'est cool parce que là, justement, le Comic-Con commence à devenir un attrait touristique aussi. Là. Quand tu commences à avoir 42 000 personnes et plus... Beaucoup de monde de l'Ouest canadien que j'ai vu aussi. Réserve ton hôtel d'avance, prépare-toi d'avance, prends tes billets, puis tu sais, viens triper. Mais t'as beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur. Puis c'est le fun. Puis ça commence à être une belle destination. Puis on s'entend, on a-tu une chance? Montréal, là. Méchante belle ville, ça n'a pas de sens. T'as des bons restos, t'as des beaux bars, t'as une belle... Tu t'as juste te promener dans la rue, puis c'est le fun. Une journée, on est allé quoi? T'as mangé une fucking bonne soupe toquinoise, parce que c'est à 3 minutes de marche de là, direct au Chinatown de Montréal. Et tu croises la gang de monde qui font du tai chi dans la rue, puis tu sais, c'est Montréal, là. On commence à être une super de belle destination de choix, puis tu t'en viens à Comic-Con, mais tu sais, tu peux triper, mais achetez vos billets d'avance. Ouais. Achetez les billets d'avance. Rendez-vous service. Achetez vos billets d'avance. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier des line-up déjà préétablis. On va sauver des arbres parce qu'ils peuvent scanner à même votre téléphone intelligent, à votre tablette. Fait comme ça, on n'a pas besoin de l'imprimer. On se présente à Comic-Con. Et là, qu'est-ce qu'on fait rendu à Comic-Con? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, parler un peu de nos expériences à nous. On va parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. On va essayer de déraper le moins possible. Que moi, je peux dire pour aider à Comic-Con. Ça commence déjà. Puis non, mais pour aider à Comic-Con, c'est con, là, mais pour interagir, puis pas juste faire le tour, puis dire, bon, OK, je m'en vais, j'ai tout vu. En anglais, là, faut le comprendre, hein. Parce que moi je le comprends très bien. Ça, je l'ai compris, mais ça, je voulais pas toucher ce sujet-là. Ça, c'est moi, je te le dis pour bien du monde. Il n'y a pas beaucoup de panneaux de conférences en français. Oui, j'ai resté surpris cette année. Didier Lucien, François Pérusse. C'est les deux seuls. Jean-Dominique Leduc en tant que BDS. Là, pis, mais c'est déjà mieux que les autres années, oui. Ouais. Mais les commerçants... Il t'aborde en te parlant en anglais la plupart. Moi, ça me dérange pas, je suis anglophone, mais mon gars qui est élevé en français plus, puis il a de la misère, il se demandait pourquoi que tout le monde y parlait en anglais, puis il se faisait accrocher parce que des fois t'es collé, puis le monde c'était sorry, pas excuse-moi. Ça, c'est un gros problème avec le Montreal Comic Con. Je vais vraiment pas l'aborder, mais c'est vrai que c'est un gros problème, mais ça pourrait faire tout un autre podcast. Ben, moi, personnellement, je trouve pas que c'est un problème, mais je me dis pour quel pot du monde qui ont de la misère à parler anglais ou de quoi, puis qui se dit juste, hey, c'est le gars de Stargate Atlantis que moi j'aimais bien écouter. Dans ces cas-là, je peux comprendre. Quelque chose de même. Dis-toi que si tu comprends pas bien en anglais, tu vas avoir de la misère puis tu trouverais ça peut-être un peu plate et long. Ouais. Voir une conférence. Mais d'un autre côté, tu sais, je comprends ça. Moi, je trouve, au niveau des vedettes, regarde, ils vont parler dans leur langue natale, c'est correct. Non, mais ça, dans le meilleur aussi, des mondes, là, qui te fasse, tu sais, comme, mettons, un traducteur en temps réel, là, tu peux louer ou quelque chose dans le même, ça serait cool. Mais il y avait pour les panneaux de Mass Effect, pas je pense Google que c'était, Glasses, c'était plus, peut-être pas c'est pas de sa faute à elle, là, mais c'est Jessica Marsden qui animait les shows. Mais elle a parlé anglais, puis tu voyais que les employés BioWare Montréal, ils parlaient français. Mm-hmm. L'audience était française, mais il fallait qu'ils prennent une pause puis qu'ils disent « Écoute, tu peux venir parler en français. » Mais ils n'étaient pas tous francophones. Il y en avait une majorité qui l'était. Mais tu sais, d'une affaire comme ça... Mais non, ça, c'est comme je te dis, c'est une autre affaire. C'est un autre débat. Mais... Je ne veux pas parler de ça ici. Mais tu sais, je pense, regarde, ton point est valide. C'est sûr moi, ce n'était pas un débat, je voulais faire là-dessus. C'était juste avertir le monde que si tu as bien de la misère en anglais. Mais juste pour faire sûr, là, tu voulais parler qu'il n'y avait pas de français dans un Comic-Con à Montréal au Québec. Tu pensais qu'il n'y aurait pas eu de débat? Non, non, mais je pense... Justement, tu caches ce que je veux dire. Là, mais en gros, ouais. Mais ça dépend pourquoi vous allez sur Comic-Con aussi. Parce que si on va à Comic-Con pour voir des costumes, magasiner puis acheter des affaires, à la limite, oui, ça parle en anglais, mais on peut se débrouiller. Mais c'est vrai pour quelqu'un qui va aller voir les conférences et tout, puis on parle pas un traître mot d'anglais. Ouais. Mais le monde sont peut-être portés aussi à se parler en anglais, tu sais, parce que... Ouais. Mais t'as aussi les réactions les plus polies des commerçants, souvent, qui vont te regarder vraiment là, du fond de leur cœur, dire... Comme... Je suis vraiment désolé, je parle pas en penis français. Pour là. Penis, là. Ouais. Lui, là, il l'a dit, là, il dit, je m'en rappelle, on avait dit quelque chose, que c'était très érotique, ses dessins. Puis il nous regarde, puis il dit, I have no idea what you just said, but it sounded awesome. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis lui, il était comme, je comprends pas, mais ça a l'air cool ce que vous dites. Puis, mais tu sais, c'est vrai, regarde, écoute, l'anglais, sauf d'un autre côté, honnêtement, là. Puis... C'est un média beaucoup très anglophone, ouais, tout. Puis, regarde, je suis le premier à dire que je veux pas lire mes Spider-Man en français, puis. Je veux pas des traductions médiocres, là, tu sais, ou quelque chose de même. Mais moi, c'est plus comme un avertissement, là. Si t'as bien de la misère en anglais pis tu comprends pas, va pas là. Ou attends-toi au moins à pas comprendre le trois quarts de ta journée, parce que le monde va t'aborder en anglais, les conférences vont être en anglais, pis... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, garde, prive-toi pas pour ça, mais... Mais en gros, là... Ça peut juste t'aider d'apprendre l'anglais. Comic-Con, là. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être un petit récapitulatif. Ouais. Mais en fait, pas un petit, un vrai récapitulatif. Peut-être pas nécessairement jour par jour, mais tu sais, qu'on y aille un peu dans les étapes. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on nos a vu? Coeur, nos coups de cœur, des choses comme ça. Moi, je veux savoir, premièrement, là, que... Éric, toi, tu as fait quoi exactement là-bas? Tu t'es promené, tu es allé... Ben moi, la première affaire que j'ai remarqué puis que j'ai trouvé ça très cool, puis ça, je l'ai noté dans les petites capsules qu'on a faites, là, mais... Mais j'aimais, quand je regardais les attractions, puis oui, il y a bien des gros stars qui sont là, puis ça, c'est le fun. Mais c'était vraiment les conférences sur les différents jeux vidéo, les différentes compagnies de jeux vidéo. J'étais très surpris par ça. Puis j'ai fait sûr d'aller à le plus possible. J'en ai manqué une qui me gosse, mais j'étais allé à la grande majorité. J'ai manqué une sur Warhammer 40K, les MMO. Tu l'as manqué parce qu'elle te gosse ou non, ça te gosse de l'avoir manqué? Non, par accident, ce c'était une conférence sur le Warhammer 40 000. Puis t'avais l'équipe qui est là, qui travaille sur un... En tout cas, j'ai pas pu le voir, mais ils montraient des... Qu'est-ce qui se passait pour le MMO du Warhammer 40 000. Puis ça, j'aurais voulu le voir. Mais mis à part de ça, les conférences de EA, les conférences de petits jeux indépendants, de studios indépendants, j'ai été très surpris par ça. Puis j'en ai vraiment vu des bons, là. Je sais pas où commencer. Ben gars, prends-en un, mettons. Ben gars, à la limite, il y en a un qu'on est allé voir ensemble. On est allé voir, c'était l'histoire, comment créer une histoire puis des personnages qui vont susciter l'intérêt des qu'il y avait des level des designers, joueurs, des ça, writers... Ouais. Que malheureusement j'ai pas les noms là, mais c'est des personnes vraiment cool qui étaient là pour signer. Ben, toi, il y en a un en particulier que t'es oui, bien c'est, content que c'est fait... Ah, j'ai oublié son nom malheureusement, puis je fais super cheap. Ça, tu vois encore, puis ça c'est un autre exemple. Il y a tellement de choses. On va voir. Moi personnellement, j'étais allé voir le gars puis je l'ai félicité parce que c'est le gars qui a écrit une des scènes que j'avais vues de Mass Effect quand j'avais eu le showing au E3, puis moi ça m'avait fait capoter. Puis c'est de valeur parce que tu vois, regarde, même encore là, j'ai la feuille signée chez nous. Je suis sûr, Keith, c'est le nom de la langue. Puis mais t'avais, c'est Keith, mais... t'avais les personnes responsables du story writing qui ben, ont parlé c'est de Mass Effect là-dessus. Puis ça, c'est très cool. Les gens qui sont souvent dans l'ombre, puis là, finalement, tu sais, eux autres, ils sont tellement dans l'ombre qu'on oublie leur nom. Ils expliquaient tout comment qu'ils faisaient, moi, je comprends sorte de même personnages pas qu'ils ont créé. Le culte autour du gars qui a écrit le jeu vidéo, genre. Mais c'est Mass Effect quand même. Mais le gars, en fait, tu sais, c'est une gang. Ils ont écrit l'histoire. Fait que, tu sais, à la limite. Le jeu, là, puis c'est là que je trouvais qu'il y avait des points intéressants. Eux autres, ils disaient, tu sais, c'est bien beau, regarde, le jeu, dans la vidéo, on est habitué, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, tu sais, telle personne, ou bien, chauffe ton motocross, ou fais telle chose, mais il dit, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui va te pousser à le faire? Qu'est-ce qui va te donner envie de le faire? Quand un personnage se fait tirer dessus ou est blessé, qu'est-ce qui va faire que t'es triste, pis t'as le goût de le sauver, pis des affaires de même? Puis leur conférence était axée tout autour de ça, puis ils ont expliqué comment, tu sais, ils créaient leur personnage, les forces, les faiblesses. Mais c'est un panneau qui tournait autour de ça, dans le fond, comment créer le personnage. Ouais. Mais pas juste le personnage, mais tu sais, l'ambiance, puis qu'est-ce l'histoire. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches, puis t'es attiré vers ça. Ouais. Tu sais, eux autres, c'était l'équipe, ils ont pas juste fait du Mass Effect, tu sais, c'est l'équipe qui ont fait du Dragon Age, du Mass Effect. Il y avait un writer de Thor, Knight of the Old Republic. Là, ouais, Knight of the Old Republic. Là, qui fait, elle a travaillé sur... elle était dans l'équipe de Austin, qu'eux, ils travaillent sur le MMO de Star Wars, là, présentement. Ce monde-là doit capoter, par exemple, quand ils voient des compagnies comme Nintendo qui arrivent juste avec Mario, ben simple, puis qui est juste charismatique depuis 25 ans. Ouais, mais tu sais, d'un autre côté, tu sais, à un moment donné, il a parlé de Limbo, tu sais, puis il dit, t'as des jeux, des fois, où l'histoire, sans être super exhaustive, tu joues à Limbo, tu sais, on s'entend, c'est un jeu en noir et blanc, de côté side-scroller. C'est même pas un ambiance, le bonhomme, dans un sens. Là. Mais que le jeu te donne l'envie de continuer des choses comme ça. Fait que tu sais, lui, il faisait le parallèle, mettons, du Mass Effect, tu sais, il dit, t'as une super de grosse histoire en arrière de ça, avec un univers tellement large, pis telle affaire, pis c'est ça qui va te donner le goût de continuer, tu sais. Mais il dit, d'un autre côté, il dit, t'arrives avec des jeux comme Limbo, où c'est tellement minimaliste que, moi, je vois ça, pis je tombe en bas de ma chaise, parce que, hey, je serais jamais capable de penser à ça. Moi, il faudrait que je m'exprime. C'est comme, mettons, là, prendre un roman puis le squeezer dans un tweet de 140 caractères, tu sais. Résume-moi tel livre, puis... C'est Neil Polner, là. J'ai pogné la liste. Là. Fallait que je le pogne pour au moins leur donner respect. Mais c'était incroyable. Puis ça, c'était un panel que j'ai trippé. Puis je pense que toi aussi, t'as aimé ça aussi. Mais celle-là, je l'ai aimé. J'ai aimé... Mais tout ceux... Puis j'ai bitché un peu pour l'affaire de la langue, là. Mais Jessica Marazin, là... c'est sa job, je pense, c'est community manager pour EA, BioWare. Elle était 40, là. En tout cas, moi, ben, cette fille-là, gentil, là, je me rappelle, là, avant que Mass Effect 3 sorte, c'est elle qu'elle avait fait un compte du News Network dans Mass Effect qui disait « Les Reapers viennent d'arriver! » Puis ça, c'était sur Twitter. Mais le monde a embarqué. Fait que t'avais du monde ailleurs dans le monde qui écrivait « Oh non, il y a un Reaper à Montréal! Il est en train... Il vient de faire sauter à Place Ville-Marie, puis telle affaire. » Puis c'était devenu comme un peu... Tu sais, c'est Orson Welles, je pense, qui avait fait ça dans c'est le temps. C'est World of Worlds. World of Worlds, ouais. Un peu. Puis ça faisait ce phénomène-là, mais en Twitter. Tu sais, comme récent sur Twitter, cette fille-là est super talentueuse. Par contre, je la trouvais un peu froide pour animer les conférences. C'est son genre. Ben, c'est ça. Très pragmatique, sarcastique. C'est ça, là. Tu sais, un drôle, elle me fait bien rire, mais elle était pas... Tu sais, mettons, elle préconisait pas l'interaction. Tu sais, t'avais pas le goût vraiment de poser des questions, tu sais. Mis à part quand les gens parlaient, tu sais. Mm-hmm. Il y avait, restant sur le Mass Effect, t'avais les conférences sur Omega quand ils ont fait le comme ça. Mm-hmm. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu découvres que BioWare Montréal, que maintenant, travaille sur un jeu qu'on devrait pas parler d'eux, mais qui parle, en ce moment, ils travaillent ensemble sur les nouveaux c'est Mass Effect. C'est le prochain Mass Effect. Ils l'ont dit mot pour mot. We're working on the next Mass Effect. Est-ce qu'il s'appellerait Mass Effect 4? Je suis pas sûr, on va voir. Je pense pas. Mais je pense que ça va aller dans une autre direction, mais ils voulaient pas en parler. Oh. Mais t'as toute l'équipe de là, puis t'avais Omega, puis Omega, c'est un expansion set qui a été fait à Montréal. Ouais. Puis aussi, je vais les segouer ensemble. T'avais le multiplayer de Mass Effect aussi, qui a tout été conçu ici à Montréal. Puis ça, c'était très, très, très cool. Ben, il expliquait en plus que le multijoueur avait eu un impact sur le jeu. Le mode Galaxy at War, dans le fond, c'était tous des trucs qui existaient pas. Galaxy at War. Galaxy at War, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté à la dernière minute. C'est ça. Moi, je trouvais ça, c'est une question en fait que j'ai posée. Il m'a fait capoter ce mode-là dans le jeu. Là, j'ai quand vraiment quand j'ai. Parce qu'il laissait prendre des questions puis il donnait des livres. Fait que je faisais ça de poser des questions. Puis la question que j'avais posée pendant le multiplayer, c'était comment est-ce que le Galaxy at War, pourquoi ils ont décidé de faire le Galaxy at War, puis quand est-ce qu'ils ont décidé de le faire, parce que c'est une des rares fois, puis ça je sais pas, GTA et type, je suis même pas sûr, je pense que GTA il y a des éléments comme ça, mais c'est comment faire ton online play multijoueur affecter ton single player, puis Galaxy at War c'est une des rares fois où ce que ça le fait très bien, puis ça c'était Last Minute Edition qui ont fait ça. Puis ça, j'ai trouvé ça très cool que c'était dernière minute, puis que naturellement, ils sont en train de regarder comment ajouter ça plus tard pour les autres versions de Mass Effect. Puis une autre chose qui est très cool aussi, c'est comment est-ce que... Je sais pas si toi, t'as sûrement su le développement de Mass Effect 3, puis Mass Effect 3, c'était un produit qu'il y a des fans très passionnés pour. Ils l'ont touché quand ils ont parlé du ending de Mass Effect 3, que je trouve qu'ils ont bien parlé d'eux. C'était ma question, puis j'étais content que quelqu'un la pose. C'est que Mass Effect 3, dans le fond... C'est un des premiers jeux dans l'histoire du jeu vidéo où les fans, en fait, Internet, parce que moi, avec toute réserve, il y a des gens qui ont probablement jamais joué le jeu, qui ont embarqué dans le bateau puis de dire que la fin était poche, là. Mais le monde ont tellement chialé sur la fin qu'eux autres ont ajusté la fin. Mais c'est la première fois que c'est arrivé, mais... Extended. C'est ça, ils l'ont étiré. Sauf que la manière que la question s'est faite poser, puis moi, c'est ce qui me chipotait, c'est que... C'était l'Internet qui pose une question, là. Toi, t'es un écrivain, t'as écrit l'histoire de Mass Effect, tu l'as faite sur trois jeux, t'as travaillé dessus de A à Z, parce que le gars avec qui, moi, je l'ai reposé au kiosque de BioWare, à ce gars-là, par après. Okay. Puis j'ai dit, regarde, toi, ça fait trois jeux que tu fais, t'as fait... Tu sais, t'as fait une histoire incroyable avec des moments super attachants, émotifs, puis t'as créé des personnages, des choses comme ça, puis tout ce job-là se limite à la fin que le monde a chialé. Puis on dirait que à ce moment-là, Internet a oublié les trois jeux, puis ils ont focusé sur la fin, puis j'ai dit, comment tu te sens quand que ça arrive? Joue pour une fin. Non, mais ils ont bien répondu. La manière qu'ils ont dealé avec, c'était très pro. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont dit, je pense que t'avais l'écrivaine, la fille, la British girl là, de Old Republic, Joanna Cocho, mais je l'ai, Joanna Berry. Elle, qu'est-ce qu'elle avait dit justement, c'est qu'elle a dit, mais regarde, quand tu écris une histoire, la pire réaction que tu peux avoir, c'est rien. Pas de réaction. Ouais. Puis là, ils ont tellement réagi. Ils ont provoqué de la méchante réaction. Non, mais pas nécessairement, mais ils ont provoqué une réaction très émotionnelle. Puis eux autres, c'était vraiment cool, parce qu'ils se font poser la question, comment tu as dealé avec le hate de ça. Puis eux autres, ils ont dit, regarde, c'était de l'émotion. Puis pour nous autres, c'est passionnant de recevoir que tu as des fans comme ça. Puis ils ont extendé, mais ils n'ont pas réagi. Quand tu vois vraiment que ces gens-là, c'est des pros par rapport à ces réactions-là. Puis il y avait les mêmes gens. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais quand vous dites qu'ils l'ont extendé, là, parce que moi, j'ai jamais joué à ça. Mais je veux pas spoiler. Non, mais juste ça. C'est quoi, tu finis le jeu, puis c'est quoi, ils ont rajouté un DLC que tu as un autre bout de fin en après? Oui, ça revenait en forme de DLC gratuit. Mais c'est que ça étirait au-delà de ce que ça faisait. Fait qu'autrement dit, mettons dans une fin sans spoiler rien. Parce honnêtement, si vous n'avez pas joué à Mass Effect, jouez à Mass Effect. Ou tu jouais un peu plus. Il y avait trois fins. Il y avait trois fins. Puis ensuite, ça finissait pour de vrai. Tu jouais plus, puis tu te le quittes. Il n'y a pas de contenu jouable additionnel. Ils ont juste rajouté un genre de prologue. Qu'est-ce qui se passe après? Que moi, personnellement, quand j'ai fini Mass Effect, moi j'étais content qu'il n'y en ait pas de prologue. Ouais. Regarde, ça arrête. Laisse-moi imaginer le reste. Il n'y aura peut-être jamais d'autres jeux. J'ai pas besoin de me faire donner une cuillère, comme Eric vient de dire. De m'enfoncer dans la bouche, okay, c'est ça qui se passe. Lui, il meurt, lui, il vit. Lui, il va être heureux avec beaucoup d'enfants. Lui, puis ils ont été obligés de faire ça. Puis ça, je trouve ça plate un peu parce que. Mais oui, ils ont le monde. À leurs fans. Ben, ça, c'est... Mais ça, c'est tout un autre argument. Mais me fait penser un peu à Lost, la série Lost. Ouais, mais Lost, c'est son propre problème. Mais ça. T'écoutes les six saisons, là, le monde, ils ont la fin, puis tout. Puis après, le monde n'était pas content. Ils ont fait, tu peux le voir sur YouTube, c'est un vidéo de 12 minutes de plus. Ça s'appelle The New Man in Charge. Puis là, ça vient contredire toute la fin au complet que tu viens de voir, que tout le monde attendait. Parce que le but, c'est de rester c'est là. C'est d'autres choses. Comme ça, le monde, tout le monde est heureux. Ceux qui aimaient la fin, puis ceux qui ne l'aimaient pas, ben, ils ont une nouvelle solution. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça a fait ça un peu. Puis regarde, ils ont répondu de la bonne façon, comme Eric a dit. Tu sais, regarde, on a donné à nos fans ce qu'ils voulaient avoir. Puis la seule affaire, c'est que tu sais, moi j'ai trouvé humble de dire ça et de dire, regarde, il dit, moi c'est sûr, ça m'offrait. Parce que quand j'en ai reparlé au kiosque de BioWare après, il m'a dit, regarde, il dit, moi c'est sûr, le jeu il est sorti avant que le monde le finisse massivement puis tu te le quittes. Moi j'ai fini de travailler, ça fait juste 6 mois à peu près. J'étais en break, j'ai fini mon jeu, les chèques sont rentrés, j'étais en vacances. Il dit, sauf là, t'es en vacances, tu veux voir, là, puis là, il dit, t'as le stress le jour 1. Tu vois, c'est forum. Le stress, puis là, tu vois, là, les ventes sont-tu bonnes, le monde l'aime-tu, puis tu te le quittes, puis là, les reviews, tout le monde capote. Sauf qu'il dit là, après ça, moi j'ai eu un autre stress. Là, ça rentrait sur Twitter. Puis là, c'est Jessica Meridian qui avait la plus grosse job là-dedans. Parce que lui, il me l'a dit. Il dit, moi, je suis écrivain. Moi, j'écris l'histoire, tu t'inquiètes, j'ai fini. Moi, j'ai fini de travailler, je suis parti, puis that's it. La fille, par exemple, qui s'occupe du Twitter puis du Facebook, hey, ta fin, c'est de la merde. Ta fin, c'est ci, ta fin, c'est ça. Puis j'y ai parlé à lui, puis j'ai dit. Tu sais, c'est quoi ça quand tu gères des communautés web, là, c'est t'en reçois de la merde des fois. Mais tu vois, moi, quand j'ai parlé à lui, j'ai dit, moi, sais-tu ce que je trouve le plus plate possible? C'est qu'il y a un paquet de monde qui ont même pas essayé tous les autres jeux d'avant puis qui sont allés embarquer dans le bateau puis dire que la fin c'était pas bon puis ils l'ont même pas essayé puis t'inquiète. Puis le gars il m'a regardé en voulant dire, tu sais, je te comprends, je regrette pas qu'on ait fait un autre fin pour eux autres, mais il dit je trouve ça. Puis il me l'a dit mot pour mot, il dit je suis 100% d'accord avec toi, je trouve ça de valeur. T'as pas fait les jeux, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as même pas joué, tu chiales ça à la fin. Parce que c'est Internet, il faut en prendre pas en laisser, tu sais. En restant sur ce même train-là, parce que moi, c'est plus pour le multiplayer aussi, t'avais le problème où ce que là, ils annoncent qu'il y a du multiplayer de Mass Effect, Fait que là, la même internet commence à bitcher. Pourquoi qu'on lance des ressources envers un multiplayer? C'est pas nécessaire, ça va ruiner même l'histoire. Même moi, j'avais peur au début. Tout ce shit-là. Puis le panneau de multiplayer, qu'est-ce qui était hot? Il y avait toute la team qui est là. Puis un en particulier, t'avais la personne qui tentait d'adresser justement ces histoires-là de comment est-ce que l'internet réagissait. Puis t'as Ben Cummings, qui est un des gameplay designers, il est là, puis il lance l'idée. Là, puis il dit, regarde, on avait plein de backlash sur l'internet. Mais nous autres, on le voit à l'interne. Fait que, tu sais, quand toi, tu vois l'internet, tu sais pas de quoi tu parles. Les gens, ils parlent de leur cul. Ouais, ouais. Puis lui, il est là, puis il explique, il dit, regarde, quand nous autres, on est en train d'essayer des early versions de multijoueurs ici à Montréal, puis on est en train d'envoyer des tests de type des early versions à Edmonton, où est-ce que t'as l'équipe core de BioWare, puis qui nous annonce que, hey, on est en train de jouer à ce jeu-là sans arrêt, puis ouais. Après qu'on le joue, comme tu t'as dit tantôt, ça nous inspire. On va tweaker le gameplay. Il y avait même l'engin, il expliquait comment est-ce qu'ils peuvent tweaker on the fly, que je trouvais ça cool. Mais eux autres, ils savent, là. Non, nous autres, quand on a su là, que toutes les personnes que ça fait 25 ans qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo sont en train de jouer sans arrêt au multiplayer version, puis ils trippent, je m'excuse, mais ils connaissent un petit peu plus que le dude de 17 ans qui pense qu'il connaît tout dans sa cave, là. Puis nous autres, on savait que c'était correct, puis ils ont persévéré, puis le jeu, il a fini, multiplayer a fini par être vraiment plus populaire. Pis c'est une affaire d'âge un peu aussi, tu sais, c'est comme, il y a un moment donné, il y en a un, il me parlait de ça, dans le bout de BioWare, il a dit mot pour mot, il dit, tu sais, il dit, regarde, le monde a de la misère avec le changement, puis il dit, surtout quand ils sont jeunes, plus t'es jeune, plus tu veux pas que ça change, puis ça a l'air niaiseux, puis il dit, c'est une affaire que plus tu vieillis, puis le monde, on a pris conception de dire, le monde, plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils veulent pas que ça change, mais on dirait, c'est que là, que ça l'impacte moins. Le monde sont moins vocales, tu vois, ils vont les juste décrocher. Tu es correct à ce qu'il se fasse améliorer à la place Exactement. De dire non, je veux que ça reste le même. Mais ça, c'était une conférence qui était vraiment géniale. Mis à part ça, je pense que toi, tu as découvert Contraste que tu me parlais. Il y avait Contraste là, avec Guillaume Provost qui était là, qui était en train de parler du projet de Contraste. Un jeu que je suggère absolument tout le monde à jouer quand il va sortir. Il sort au launch du PS4. Wow. Ça va être sur PS4? Il va être sur le PS4. Uniquement ou PC? Non, il sort aussi PC 360, Good. PS3. Petite parenthèse, là, beaucoup d'exclusivité indie que tu as sur le PlayStation 4. Petite nouvelle, t'es sur PC aussi. En tout cas, je veux pas enflammer cette guerre-là. Mais tout ça pour dire que ce jeu-là, là, wow! Ce jeu-là, de un, ça a un feel très film noir. Conçu d'un studio à Montréal, d'un coup de tête que ce gars-là, Guillaume Provost, il a eu. Pendant des années, il a travaillé pour Arkham Studios, qu'eux, ils ont fait Dishonored dernièrement. C'est quand même un studio assez avancé. Mais tu le vois un peu dans l'art style, le contraste. Ben, c'est le même. Ils ont été inspirés par le même art director de Half-Life 2 et que lui a travaillé pour Arkham Studios. Bon, est-ce que tu viens de confirmer Half-Life 3, là? Ça, c'est une petite joke que j'ai de ma conférence. Okay, good. Parce que moi, j'ai posé. Ben, en tout cas, je vais parler de la mécanique du jeu, est très cool. Tu joues l'ami imaginaire d'une petite fille. Puis t'as toute une histoire, comme ton monde il est mort pas mal, comme il est vide. Moi je pense que t'es dans l'imaginaire de quelqu'un, de la petite fille naturellement. Puis tu suis la petite fille, puis le gameplay c'est que les parents de la petite fille ont investi de l'argent pour faire un cirque. Puis là il essaie de retrouver de l'argent, puis c'est un petit peu tout ça l'histoire, puis sans trop spoiler. Mais la mécanique principale c'est que toi l'ami imaginaire t'es capable d'aller dans l'ombre et tu joues dans l'ombre. Ça me dit quoi en plus? C'est vraiment bien fait là, comme la mécanique est écœurante. Tout ce que tu as besoin de faire, là, c'est Contrast Trailer qu'ils ont fait pour le PAX Prime. Mais on l'a mis sur la page du connectif, ouais, tu l'as sur mis, le hein? Facebook. Man, parce que le trailer il était écœurant. Puis, en tout cas, le jeu est très bon. Puis Guillaume Provost, il a parlé de la production. Comment est-ce que c'est faire funder un jeu indépendant comme ça? Puis ça, c'était très le fun parce que c'était quoi, dimanche matin, ça? Puis il n'y avait pas un chat dans la salle. On était genre 15, fait que c'était très intime de juste lui qui montre le projet. Puis quand j'ai appris justement qu'il a travaillé pour Arkham Studios puis qu'ils ont été inspirés par tout ça, après, moi, j'ai décidé de poser la question. Ma question était simple. Comment est-ce qu'ils ont figuré à faire la mécanique marcher où ce que tu peux être dans un ombre? Parce qu'ils utilisent le Unreal Engine. Puis j'étais pas sûr, comme je sais un peu comment ça marche des engins, puis je sais pas comment est-ce qu'ils ont figuré ça. Puis j'ai posé la question de tout ça. Puis qu'est-ce qui était hot? C'est que Guillaume Provost, il expliquait, regarde, mon idée était de faire ça, mais comment est-ce que je t'ai pas fait cette idée-là? J'en avais aucune idée au moment. Il a dit ça, c'est quelque chose qui était pour figurer plus tard. Mais là, quand j'ai posé la question, il a montré le, T'as montré comment ça marchait. Tout le backwork de ça, je pourrais montrer. Ouais. J'ai pris un film de ça, mais c'est vraiment cool. Mais avant de poser la question, il parlait de comment il travaillait pour Arkham Studios pour un projet de Valve qu'ils n'ont pas mentionné c'était quoi le projet. Puis Arkham Studios, il est très proche à Valve. Il y a bien des employés de Valve qui sont dedans. Puis moi, je suis là, puis j'ai dit comme question, tu sais, en passant, pas pour te demander une question trop obvious, mais tu confirmes-tu Half-Life 3 là, que tu travailles avec Arkham? Puis là, tout ce que c'était un look classique que 15 personnes dans la salle ont eu, puis que c'était ce genre de moment là où ce que t'as avantage de parler avec des gens de l'industrie. Là. On ne va pas commenter là-dessus aujourd'hui. T'as juste là. Le gars là qui non, il dit même pas ça. Là. Il a juste j'ai juste chuckolé un peu avec un sourire en me regardant, mais il a rien dit. De toute façon, faudrait que tu sois cave de penser qu'il n'y a pas un Half-Life 3 en développement là, mais c'était le fun de voir un gars qui sait sûrement qu'est-ce qui se passe avec ça. Je trouvais ça hot. Mais tu vois, ces conférences-là sont cool. Puis moi, il y a un point, par exemple, que j'ai trouvé un peu ordinaire. Puis c'est pas à propos des conférences, c'est pas à propos des exposants, c'est à propos du monde. Les conférences, là, justement, où on est allé, là, tu sais, je dis pas Jason Momoa ou George Takei ou ce que la salle est pleine, puis il y a du monde comme ça se peut pas, mais les petites conférences. Mm-hmm. On a été victime de ça une couple de fois. T'écoutes les conférenciers parler, puis tu sais, c'est du monde nécessairement que... Tu sais, gars, t'as les gars qui écrivent l'histoire d'un jeu vidéo que... Moi-même, j'étais un fan, puis malheureusement, j'avais oublié le nom. Mais tu sais que ce gars-là mérite tout mon respect, des choses comme ça. Puis je fais le cheap d'oublier son nom. Moi, mais j'ai deuxièmement... beaucoup de bizarre avec les noms des personnes de jeux vidéo, parce que pour moi, c'est les personnages du jeu qui passent avant tout quand tu y penses. Puis... Mais imagine-toi que là, t'es dans une conférence de ça. Les gens parlent. La salle est borderline pleine. Puis 20 minutes après que la conférence soit commencée, t'en as un qui se lève. T'en as un autre qui se lève. Là, t'as un gars pis sa blonde qui se lève. Puis les gens... Puis c'est ça pas... Ça fait partie de la game. Mais ça fait partie de la game. Mais un moment donné, moi, je trouvais ça... C'est un manque de respect. Ça l'est. C'est un message que je vais envoyer pour le peu de monde qui nous écoute. Je vous adore parce que vous nous écoutez, mais il y a une affaire qu'il faut faire, par exemple. Quand on décide d'entrer dans une conférence, partez pas en plein milieu que quelqu'un parle. Partez pas 20 minutes après. Tu sais, ayez le respect d'au moins finir la conférence. Et télécharge quelque chose de très simple qui s'appelle Guidebook, ben qui oui. est conçu pour toi. Qui vous explique exactement c'est quoi la conférence, la durée, la pièce. Peut-être puis... qu'il y avait une autre conférence. Mais c'est à ça, aller mais voir tu aussi, peux, tellement tu peux que... planifier en avance. Mais pareil, je trouve que tu planifies ton plan d'attaque là, ouais, à une conférence. Là. Que ce soit pour la job, mais que ce soit pour ta passion. Quand à un moment donné, j'avais le choix entre Christopher Lloyd ou François Pérus. Faut que tu fasses le choix. Ouais, mais même puis... là, Milter, François Pérus, c'est une plus grosse conférence que les quatre gars de studio de jeux vidéo mais indépendants. Il était dans une petite salle, c'est pour ça que mais je ça, dis, ça, il ça, était ça, en même temps que Christopher Lloyd. Puis ça, c'est une erreur de Comic-Con c'était Montréal. Le choix qu'il fallait What que je fasse, the là. Fuck, là. Mais pareil, c'est que prends François Pérus, qui apparemment, il n'y a même plus de place pour aller non, le voir. Il y avait plus mais tu sais, puis... ça, si t'as 4-5 personnes qui quittent, c'est pas pire. Mais là, t'es d'une salle. Pis c'est le ouais, panel if you're dire, not indie, fuck you. Ils sont 20 dans la salle, ben oui. Tu te lèves en plein milieu, le gars il te regarde dans les yeux, puis ça je trouvais ça, excuse-moi, ça, ouais. Mais je trouvais ça dégueulasse. C'est un peu le respect du conférencier. Puis à la limite, regarde, comme Eric il dit, download ton guidebook, t'as ton guide ouais. d'admission qu'ils t'ont donné quand t'es rentré. Ton plan d'attente. Tu vas aller le voir Christopher toi, Lloyd à 2h15, puis tu sais que cette conférence-là est à 2h. Dis-toi pas, hey, je vais faire 15 minutes, puis je vais m'en aller. De un, c'est... Mais pour respectueux là, pour les gens. Pas s'en rappeler, anyways. Ouais. Deuxièmement, moi, c'était rendu dérangeant à la fin. Hey, tout le monde en avant de moi, c'était les sacs, les portes. Mais le storytelling ouais, là, de c'était BioWare, fatiguant. C'était vraiment gossant parce qu'il y avait bien ouais. des gens qui se levaient là, une demi-heure in. Là. Puis à la limite, tu t'attends à quoi? Le nom du panel s'appelle Storytelling in Video Games, Art or quelque chose. T'arrives là puis tu fais il parle de l'histoire des jeux vidéo puis si c'est une forme d'art, hey, c'est plate ça. Tu t'attendais à quoi? Tu sais, c'est come on, ayez du respect, le monde, rentrez là, essayez de nouvelles affaires, c'est super cool, mais au vas-y moins, tu sais. Pas si t'aimes pas ça en partant. Si vous êtes pour vous lever et partir, parce que ça, c'était massif à un moment donné, puis c'est intéressant ce qu'ils disaient les gens. Excuse-moi, Eric, non, mais je sais qu'on est encore sur moi, mais c'est parce que je veux donner de la place pour. Tu sais, on a tellement de choses à parler de ça. C'est un point, on a juste fait. Non, mais non, mais c'est parce que le pire, c'est que j'ai touché pas mal tout ce que je voulais parler de, moi. Je veux dire, les petites notes que je voudrais ajouter, c'est que les deux salles de gros joueurs avec les gars de Toy Company, ouais. C'était cool. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était le fun de voir les gens jouer le Doom, le Brutal Doom. J'ai holy vu shit, fuck. Live. Mais j'étais, ouais, Pokai en Burger en King. Burger King. Mais moi, une de mes grosses découvertes, puis je l'ai dit ben, pendant le last episode, que le Brutal Doom, là, holy wow, là, j'adore ça. Si vous aimez Doom, l'original jouait à Brutal Doom. Fait que t'avais les retro gaming qui se passaient tout le temps. C'est-tu que j'ai aimé, moi, de Brutal Doom? C'est pas le jeu. C'est les petits cubicules qui me rappelaient ma première job de bureau cool quand aussi, j'avais genre 15 ans puis je faisais de l'entrée de données. Tu sais, des cubicules beige. Ouais, ouais. Puis ils ont même été dans le souci du détail de piner des photos dégueulasses des années 80. Wrong. Des vieux calendriers puis des affaires là-même. Puis tu joues à Doom avec des vieilles souris puis... C'était vraiment cool, ça. L'autre aussi, je pense qu'il faudrait que je parle de, c'était le... Ah oui, l'Execution Labs. Ça, c'est un... Je ne vais pas aller trop dans le creux, dans le détail, mais il y a un... c'est Execution Labs qui est comme un genre de collective que tu as plein d'autres studios à Montréal où ils se font aider à travailler ensemble. C'est juste sur Saint-Denis. Puis ça, c'était très hot de parler de des... comment il y a des studios indépendants. Ah, les, quand t'avais les quatre producteurs, c'est ça, t'avais indie, tout, là, toute la là. Gang de là, t'avais le, ce Jason De La Rocha qui est le top dude chez Execution Labs. Lui, il a de l'air comme un fucking awesome businessman. Ça, c'est le genre de gars que j'aime avoir comme boss ou que j'aime avoir comme allié dans le business. Ce gars-là, il était vraiment cool. Mais tu vois vraiment que son idée est bonne de juste assembler des kids qui ont des très bonnes idées. Puis de les aider à set up shop et avoir du advertising. Mais t'avais pas dit aussi, eux autres, ils avaient parlé qu'ils faisaient des soirées dans un bar avec leur... leur... Si tu vas à Execution Labs, puis tu envoies un email à info@executionlabs.com ou va sur le site pour pogner l'email, mais tu as des meet-up où ce que tu peux aller là, puis tu peux faire du playtesting pour ces petits jeux-là. C'est, ça fait vraiment partie de la communauté de indie à Montréal. Si t'aimes indie, essaye mon là, jeu puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses, man, qu'est-ce que tu verrais. Il, il parlait de comment est-ce qu'ils se rencontrent à des bars une fois par mois, les meet-up pour montrer leur jeu. Ça, c'était un très beau panel. Ça, c'était If You're Not Indie, Fuck You or How to Start an Indie Game Studio. Parlant de ça, les rencontres dans les bars, je pense que c'est ce soir aussi, t'as une rencontre au Funzo pour les soirées rétro gaming de Papa Cassette. Ah oui, c'est puis vrai. Ce ça. Soir, on peut pas être là, malheureusement. C'est toujours nos soirs de rec. Mais... Désolé pour ça. Là. Désolé, on peut pas être là, mais allez faire un tour, par exemple. C'est ça, c'est qu'il y a toujours une thématique. J'aurais aimé ça être là. Puis pour ça, ça aurait été cool, justement, les BLM up. On salue nos collègues de Rétro Nouveau et leur soirée au Funzo. Pour moi, c'est pas mal tout. Il y avait le... Ah, puis il y avait le... moi, la dernière chose, t'avais le One vs. Four, animé par les Gamer Nerds. C'était quoi ça, après? Ça, c'était un... c'était quoi? C'était une conférence? Ça, là, de... ça, c'était la réalisation que des arguments de fanboys d'Internet, c'est de la marde. Parce que t'essaies d'émuler ça live, là, personne gagne. OK, mais attends. Ça, c'était comme, tu prends le forum de News for Gamer puis tu le mets dans la vraie vie. T'avais des dudes de... Ouais, N4G, oh, que je t'aime à taillir. T'avais deux équipes de les Gamer Nerds qui, un prenait le côté du Xbox, l'autre prenait le côté du PS4, avec une salle... de beaucoup de gens que eux aussi ont dû réaliser qu'ils sont plus sur l'internet, ils sont en face de des gens, fait que les statements qu'ils disent c'est des statements que tu veux pas dire en public puis que tu peux pas prendre fucking au sérieux. OK. C'était un petit peu inconfortable. Moi j'ai envoyé un ou deux points pendant l'affaire, mais ça me faisait mal au cœur. C'était ça le but, mais ça marche pas. Dans le sens que tu te rends compte que hey, j'ai dit ça, j'ai ben si toi si c'était ça leur but, good on them. Mais c'est vraiment stupide de prendre un... Moi, je suis très profondément, du fond de mon cœur, je déteste. Même j'aime alimenter ces arguments-là au point d'absurdité, juste pour que les gens réalisent comment absurde que c'est. Je prends le temps de faire ça sur l'internet. Je suis sûr que tu as déjà observé moi faire ben ça. Oui. Puis il y a encore des gens aussi, qui mordent comme ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu testines d'une console à l'autre, il y a juste une... Il y a personne qui gagne, tout le monde perd. Mais c'était entertaining de voir. T'avais des moments inconfortables de quelqu'un qui est comme, mais là, comment ça se fait que des gens, ils pensent encore que Xbox One, c'est bon, ça devrait, les gens sont stupides de penser que c'est bon. Puis là, t'es là, pis t'es entouré de 25, de 40 personnes. Tu peux pas t'estiner là-dessus. Tu peux juste dire, OK, assieds-toi, tu l'as dit. Ah, mais d'un autre côté, moi, j'aurais peur de ça parce que, tu sais, c'est con à dire, mais ça, souvent, ce genre de débat-là, ça va être des personnes qui vont s'enflammer facilement, qui vont être très impulsifs. Moi, je me suis rendu des compte. Gens qui veulent abuser de ça. Là, oh, mais c'est pas du monde qui vont t'en sacrer une. C'est juste non. Du monde qui vont s'en rager. Mais c'est des gens que j'espère que c'est bon comme un choc. Ouais, que ça extériorise un peu. Parce qu'il y a des gens qui s'estiment en ligne, puis ayant travaillé dans le milieu de vente de jeux vidéo pendant longtemps, ces gens-là... tes spots venir d'un mille de loin. Je vois pas de quoi tu veux parler. tes gens-là qui pensent que leur argument Internet, tu sais où est-ce que tu peux envoyer un message tu penses que l'argument est fermé. Mais quand t'es face à face avec une personne, ça marche pas de même. Tu te rends compte que c'est stupide, l'argument de un. Mais tu voyais ces gens-là awkward qui sont là à dire des choses comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas mal ça. J'ai sûrement des petites choses à ajouter à les autres choses qui sont arrivées. Que je vais dire. Puis c'est ça. J'ai pas dépensé bien d'argent, mais je pense que ça, on va faire ça à la fin. Ou... Ouais, on va parler un peu de ça à la fin, nos achats, les choses comme ça. Ben, de mon côté, moi, ça a été un peu plus célèbre. Ah, les célébrités? Les célébrités. Parce que fallait que je prenne des belles petites photos qu'on a mis sur notre site web. On a créé une belle petite section. Là. Une section, dans le fond, sur le site web avec si une je dois belle noter galerie aussi, photo. Très belle photo. Merci à quelqu'un en particulier pour ça aussi. Merci Guillaume, honnêtement, pour les lentilles, c'était vraiment apprécié. J'ai un appareil décent, mais je n'avais pas de lentilles. Puis Guillaume nous a dépanné à 100 000 à l'heure. Là, regarde, une 70-300 puis une 35 mm, là, c'est, ça fait un job là-dedans, j'ai capoté. Puis honnêtement, j'avais délaissé un peu la photographie à cause que mon appareil était... Tu sais, j'avais retrouvé une passion, une toi, 18-55, hein? Puis là, regarde, j'ai retrippé bien raide, là, j'ai adoré ça. Le feeling aussi d'arriver, puis let's go, je me sens en avant, puis là, ben je zoome, puis je prends mon temps, puis je prends des belles photos, là. Je vais pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai réussi à avoir comme shot, justement, mais de mon côté, ça a été simple. J'allais là... Au mois de mai, quand ils ont annoncé que les billets étaient pour tomber en vente, puis là, la réunion de Battlestar Galactica. Ça, c'était moi, mes billets étaient achetés. Je lançais ma carte de crédit à l'écran, mais elle voulait pas me donner de billets, puis là, je comprenais pas pourquoi. Puis je... T'as pas les nouvelles écrans intelligentes qui prennent les cartes. Ça vient, là, bientôt. Là, honnêtement, regarde, moi, Battlestar Galactica, ça a tout le temps été comme ma série de fou. Là. J'ai capoté là-dessus, ça n'a pas de sens, je le recommande à tout le monde. Que comme vous aimez dit, la science-fiction ou pas. Comme qu'on dit tout. Par contre, elle était bonne, moi je l'ai trouvé. Il y a eu des cancellations. Trisha Effer a cancellé. La fille qui fait Starbucks, j'ai oublié. Fait que si je peux annoncer, c'est comme si Star Trek Next Generation s'en vient, mais Troy a cancellé puis Dr. Crusher a cancellé. Ouais, ah, mais il était 7 ou 8 au début, puis il était 4 à la fin. Ouais. Mais 4 qui était quand même cool, je te dirais. Tamo Panikit qui fait Hilo, lui, il est peut-être un peu moins tripeux pour les gens. Moi, je l'aime bien, mais cet acteur-là. Le personnage est cool. Là, le personnage est génial. James Callis, Gaius Baltar, Edward James Olmos, Adama, puis Michael Hogan qui fait Colonel Saltai. Tu sais, regarde, il y avait du monde vraiment cool. J'en ai parlé dans la capsule pour ceux qui l'ont écouté, mais on était supposé faire la réunion le samedi à 11h le matin, puis finalement, le vendredi soir... T'avais juste Tamo Panikit puis James Callis qui faisaient leur conférence de questions, dans le fond. Fait que là, on peut arriver puis ils répondent à des questions, des choses comme ça. Puis finalement, Edward James Olmos puis Michael Hogan ont décidé d'y aller. Puis... C'est une surprise, mais en même temps, j'étais vraiment content, puis ça apparaissait dans ma face. Mais j'étais pas surpris parce que les vendredis soirs, il y a tout le temps des surprises comme ça, comme je l'ai mentionné. Mais c'était cool de voir qu'il y avait des histoires qu'ils racontaient. Moi le aussi, samedi, même, j'étais impressionné par ben, ça. Ouais. C'était cool, puis... Le père de Selena, tu le vois pas souvent. Oh my god. Excuse, je vais faire ma gueule. Moi, c'est god. Plus le dude de Dexter, le gars mort dans Dexter. OK. Fait que dans le fond, ils ont fait leur conférence, ils parlaient des événements mémorables lors du tournage, des choses comme ça. Le samedi, c'était une version un peu plus allongée. J'ai aimé ça, il y avait un petit peu des histoires qui se répétaient par contre. Mais ces gars-là ont une chimie incroyable, fait que ça valait la peine. T'avais une plus grosse foule pour celle-là, par exemple, non? Beaucoup plus grosse foule aussi, parce que là, le monde, il savait qu'il était là les quatre, fait que là, t'avais un gros line-up. Puis c'est le samedi aussi, il y avait puis plus c'est le de samedi, monde. Beaucoup plus de monde aussi à ce moment-là. Samedi qui était à guichet fermé pour un instant, puis ensuite, ils se sont mis à vendre en vente libre certains billets. Mais j'ai commencé comme ça, avec les Tamo Panikit, James Callis. Après ça, c'était la réunion de Battlestar Galactica. J'ai également été voir Christopher Lloyd avec vous autres. Christopher Lloyd, que dire qu'il n'a pas été dit? Je m'en souviens plus. Ben, je pense que dans le fond, ça c'est dans l'épisode perdu ou l'enregistrement c'était en plein dans l'épisode mais perdu, ça. Christopher Lloyd, ok. Premièrement, c'est un gars qui a un background. Ce gars-là a fait des choses dans sa vie. Il a joué dans un paquet de trucs que moi-même j'avais oublié. Plusieurs personnages bizarres aussi. Plusieurs si personnages dire, bizarres. Plusieurs personnages énergétiques. Suburban Commando. Suburban Commando. C'était quoi déjà? C'était avec Hulk Hogan. Oh boy. Commando. Commando suprême. Commando suprême. Hey, j'avais oublié quand il boit de l'antigel là-dedans. Ok, hey, non, faut pas que je dérape. Undertaker arrêtez, est un des deux méchants à la fin, un des deux extraterrestres. C'est, oh. Un des, c'est Undertaker. Là, à cause de vous autres, je vais être obligé de le réécouter dans pas long. Puis oui. Le soundtrack était tellement mauvais. Mais en gros, tu sais, il a joué là-dedans, Doc Brown. Moi, personnellement, ok. Christopher Lloyd, j'arrive là, puis je suis habitué de voir Doc Brown qui court partout, qui saute. Fester. Le méchant dans Roger Rabbit, Fester dans Famille Adams. Tu vois tous ces rôles-là, puis tu te dis, hey, ce gars-là, il est malade. Il embarque sur le stage, puis. Je sais pas si c'est l'âge. C'est l'âge. C'est probablement l'âge, mais. Puis les médicaments. Monsieur Lloyd, Monsieur Lloyd ne se souvient plus de beaucoup de choses. Mais il se souvient d'avoir venu à Montréal en 73 pour un stay-over. C'est ça, il se souvient de la seule nuit c'était en 73. Super que ça. C'était... Mais quand Eric prend son courage à deux mains, va devant la foule. Il demande à Christopher Lloyd, c'était comment dans Toonstruck? Ça, c'était un peu de ta faute. Parce je t'ai craqué, hein? D'un, moi, je voulais poser une question. Puis, juste un petit peu de background, là. Je suis comme fan fini de Doc Brown. Je suis fan fini de Back to the Future. Back to the Future, c'est comme un des premiers films que je me rappelle de mon enfance. Pour moi, c'est épique. Fait que, oui, avoir les contacts aux yeux avec, pour moi, c'était incroyable. Mais il posait... Puis le pire, là, c'est qu'il y avait un inconfort. Puis le vieux, avant lui, il y avait un monsieur qui avait une question pour d'un film indépendant qu'il a fait à propos de la vie des pères. Des pères. Ouais. Puis il se rappelait pas du film qu'il avait tourné il y a un an. Ou il l'a pas vu encore. Non, mais il expliquait qu'il fait beaucoup de films indépendants puis que des fois, ça prend du temps avant que le film sorte. Fait que lui, il l'a peut-être tourné il y a 4 ans, ce film-là. C'est sorti l'année passée, c'est apparu dans des festivals. Fait que là, tout d'un coup... Fait que déjà, ouais. Là, il commence à en entendre parler parce que certaines personnes qui l'ont vu dernièrement, mais lui, il fait comme, c'est quoi le film, c'est là? C'est ça il qui a est drôle, par exemple. Ans. Parce mais... que déjà l'inconfort, ouais. Qui se rappelle pas de ça, mais là, y a moi eu j'arrive deux, y a eu avec deux le personnes. Jeu qu'il a fait en 94, ouais. Obscur. Mais tu sais, mais c'est surtout moi, il y a une affaire que quand tu y as dit, moi je me suis dit, il va s'en rappeler. Mais ben ouais, tu sais, le jeu, il y avait vous dedans, puis il y avait Dom DeLuise là-dedans. Là, je me dis, hey, t'as déjà joué dans quelque chose avec Dom DeLuise, tu t'en rappelles? Pis mais il non, était peut-être non, même pas dans le même jour. Non, mais c'est ça, parce que. Quand tu y penses, là, tu sais, toutes ces vedettes-là. Dans mais ouais. Je me rappelle, j'y ai préparé aussi, j'ai dit que. Il a dit, j'espère que je m'en rappelle. Puis là, moi, j'ai dit, je suis pas trop sûr, tu vas t'en rappeler. Ouais, toi, t'avais mis la table, dans le fond. Mais en gros, là, ce gars-là. Toonstruck, très bon film. Drew Blank, très bon jeu. Il joue Drew Blank. Il y avait... Tu sais, c'était bon, attends, mais il y a manqué des bouts. Il joue Drew Blank. Il joue vraiment Drew Blank. Drew Dry Blank. And Blank. Dry and Blank. Oh boy, c'est ironique okay, un peu. Excuse. Peut-être c'était tout voulu, puis c'était un jeu, puis il se dit, il va c'est te catcher. Ah, oh, il catch-tu le ça? Joke que je fais de Drew ouais, Blank? Je vais jouer le oh, personnage. J'aurais dû avoir ajouté ça, je me sens mal. Mais en gros, tu sais, c'était divertissant, mais c'était malaisant un peu. Ben, c'est toi qui avais dit pendant notre enregistrement perdu de samedi, qu'on pouvait y donner le Billy Dee Williams Award dans le fond, sens qu'à Ottawa, Billy Dee Williams c'était quasiment malaisant comme conférence parce qu'il était comme pas tout là puis il avait de l'air ses médicaments mais... forts sur les hautes défenses comme en, on dit. En y repensant par contre, est-ce que je donnerais le Billy Dee Williams Award, le prix Billy Dee Williams à Christopher Lloyd? Billy Dee Williams, c'était son publiciste qui nous parlait beaucoup. Christopher Lloyd était tout seul. Ouais, au moins. Mais il se souvenait pas de grand chose. Puis moi, personnellement, ouais. C'est. Puis je veux pas dénigrer d'aucune façon parce que c'était pas si pire que ça. Le Billy Dee Williams était beaucoup pire, ben là, oui, d'après moi. Ben oui. Mais c'est quand même Christopher Lloyd qui m'a le plus déçu. Ouais, personnellement, ouais. Là, dans mes conférences, j'étais content de le voir. Mais le fait qu'il se souvenait pas de rien, puis qu'à toutes les fois, c'était un 3-4 minutes de lui qui regarde la personne, puis qui fait des moves d'épaule, de comme, excuse-moi, c'était drôle, puis touchant. Mais c'était drôle, puis touchant. Je peux pas hater mais ce six que fois en ligne. Mais c'est ça. Les 5 premières moins minutes, drôle, c'était pas pis moins touchant, même que ça n'en venait malaisant à ouais. Je suis en train de regarder un vieux bonhomme qui. Peut-être qu'il est en train de péter sa première crise d'Alzheimer live sur un gros stage. Juste pour faire devant, un parallèle. Je sais pas combien de milliers de personnes. T'as vu Patrick Stewart l'année passée? Oui. Il est-tu allumé, lui, quand il était en conférence? Il était comme très ça? Allumé. Vraiment. 73 ans, monsieur. Puis Christopher Lloyd, à quel âge? 74. OK. Patrick Stewart. Moi, je vois pour les médicaments et l'alcool. C'est Patrick Stewart, je pense qu'il est plus clean. Hey, Patrick okay. Stewart, il nous parlait. J'étais en 70 dans la Shakespeare Company de telle affaire. Puis d'un côté, t'as Christopher Lloyd, puis de l'autre bord, t'as Sir Patrick Stewart. T'sais, c'est fucking ça. Badass. Puis ce gars-là, il est badass. Mais en gros, gars, Christopher Lloyd, c'était correct. Ça faisait la job. J'ai posé une question. J'ai une très belle photo de lui. Merci à Nathawa pour ça. Nathawa, il a pris vraiment une des meilleures photos. Ce que j'ai moi sur le big screen et tout. Là. Merci tellement pour cette photo-là. Moi, je trouve ça de valeur en plus parce qu'Nathawa, on t'a manqué, man. Quand tu nous as envoyé un message sur Twitter. Toi, tu l'as vu? Moi, toi, j'ai tu vu l'as vu? Dit, moi, ah, j'ai tellement de personnes que j'ai pas vu là. Oui, tout le monde m'a vu, moi. Ben, c'est parce que nous autres, on courait dans les panneaux comme des morts. Ben, c'est ça. Nous autres, on courait. Moi, j'avais mes appareils photo puis je capotais, là. Mais, grosso modo, là, Christopher Lloyd, c'était correct. Jason Momoa. Bon, ça, je l'ai manqué, mais j'ai entendu. Ça, Tu as-tu demandé ta question, là, d'enlever son chandail que tu voulais? J'ai pas demandé, mais il y a une fille qui l'a demandé. Oh, en fait, il y a 8 filles qui l'ont demandé 8. Pour moi. Tu as-tu demandé la question, quelle charité qui aime donner de l'argent à? Non, ça, j'ai voulu conserver le malaise palpable. Parce qu'il y a toujours, il y a une personne qui pose ça. Ça, là, alors, on peut-tu démystifier de quoi tout de suite? Quand tu t'en vas d'une conférence, pourquoi faut que je réfléchisse pour rester méchant. On est-tu méchant? Tu vas faire des jokes de ça? Je veux pas être méchant, mais... De toutes les questions que tu peux poser à une vedette, un icône de ton enfance ou de ta jeunesse ou de ton un rôle d'influence dans ta vie, de toutes les questions que tu peux poser, qu'est-ce que t'en as à battre de savoir à quelle fondation il donne de l'argent? Mais c'est-tu à cause que tu veux comme faire valider ta fondation? D'après moi, ils voulaient faire plugger des. D'après moi, c'est des plugs qui ont mal viré. Mais moi, je veux plugger. Moi, j'ai même pas eu les nerfs de plugger Guy Collectif en question parce que je trouverais ça wrong. Puis je trouve ça encore. Puis, mais tu peux pas dire que c'est wrong de plugger les parents, pères uniques, des choses ben, comme c'est ça. C'est sûr. Ouais, mais c'est juste parce que c'était malaisant. Puis même lui, en tout cas. Mais regarde, Jason Momoa, moi je rentre là. Jason Momoa qui fait Khal Drogo. Conan, qui va faire Roman Dax, je pense, ou en tout cas, le gars dans Stargate Atlantis qui court tout le temps et qui a une grosse épée. Peut-être faire Lobo. Peut-être faire Lobo, effectivement. Tu m'as volé un punch, mon maudit. Oh shit, excuse-moi. Mais c'est pas grave. En gros, là, ce gars-là, il arrive sur le stage, puis moi, je le vois, puis je faisais des jokes là-dessus, puis vous allez vous en souvenir, les boys, mais moi, je disais, tu sais, le gars, il est typecasté, là. Il fait tout le temps des grosses brutes, il fait tout le temps des gros toughs, puis des affaires de même. Puis moi, je m'attendais à ce qu'il brise ce tabou-là, qui arrive, mettons, là, puis que, tu sais, c'est un gars, il était super petite drôle. Chemise rose, puis... Il parlait, là, super bien, puis des affaires de même, mais c'était vraiment... un brosef qui était sur le stage avec ses bouteilles de bière. D'un, le gars, il rentre avec une petite Molson Dry qui a bu petite, en... C'est 40. J'ai vu les photos. Non, mais il y avait une petite au début. Ah, au début. Le 40, okay, il est venu regarde, après. Regarde, il a fait une conférence d'une heure. Il a bu une petite en arrivant sur le stage. Je sais pas si ça a commencé, mais d'après moi, il l'a bu one shot. Après ça, ils sont venus y porter deux flûtes des 1.18 litres qu'il a bu une puis la demi de l'autre en moins d'une heure. Ce gars-là fait 1,97 m. Pour le commun des mortels, là, je pense que c'est pas mal 7 pieds. Il est grand, il est bâti comme ça se peut pas. Il fait des jokes de bro puis de menacer, puis c'est comme c'était drôle. Il était super divertissant, mais il a pas pété le tabou. Il mérite ses rôles là. C'est lui dans la vraie vie. C'est un bro. Là. Mais c'est ça. La seule affaire qui m'a surpris, par exemple, il apparemment qu'il étudiait en biologie à l'université quand il est allé avoir son premier rôle. Puis, regarde, c'était vraiment drôle, mais toutes les filles, là, puis là, c'est sûr, c'était une affaire, les filles se gâtaient, puis ils voulaient y voir le chess. Puis, parle-moi dans la langue que tu utilises dans Game of Thrones, appelle-moi la lumière de la lune, de whatever. Prends-moi de derrière, fois, comme que t'as fait avec. Ouais, c'est ça, tu sais. Avec ta traite-moi soeur, comme une dans vraie Game femme. Puis, c'est pas sa soeur. Je sais pas, mais je me dis, ça doit être dans la même famille, en quelque part. Non, je pense que c'est la seule c'est scène qui a pas d'inceste dans c'est Game of Thrones. La seule ou scène qui a pas d'inceste, toi. Mais une question d'hiver, lui, quand il s'est fait demander si t'aurais pas joué Khal Drogo dans Game of Thrones, quel rôle aurais-tu voulu jouer? Le nain. Il a dit The Imp. Tu sais, c'est comme. C'était clair, net et précis. Puis quand, pourquoi il dit, ben là, il dit, tu fais juste fourrer, puis rien. Tu fous, puis tu bois. Mais tu sais, encore une fois, renforcer son cliché. Ouais. Mais j'ai pris des très belles photos. Je vais vous inviter d'aller sur la page du collectif et sur le site web. Le fait que les filles demandaient tout le temps d'enlever son chandail. Ben, ils ont demandé deux fois. Là. OK, juste deux fois. J'avais entendu plus. Mais je sais pas si on voulait aller dans ce débat-là, mais si moi je demande à Gillian Anderson d'enlever son chandail... Ça, c'est pas approprié, Milter, tu devrais avoir honte. Fait que, OK, c'est... Est-ce qu'il y a... ça de même, là. Mais une fille qui demande à un gars d'enlever son chandail, c'est respectable. C'est question, okay. Si on pourrait avoir la réponse sur Twitter, y a-tu une scène où on voit les seins de Gillian Anderson? Ben là. J'aimerais le savoir. Il y a plein de photos sur Internet. Oh, ouais. OK. Twitter, @montréalien. Envoyer des naked photos de Gillian Anderson à Montréalien. Tu continues sur Jason ou? Mais on va finir sur Jason. Dans le fond, c'est que je vous invite à aller voir. J'ai des belles photos que je serais prête à vendre. S'il y a un rep de Molson Dry à quelque part qui cherche des belles photos, là, j'en ai une excellente de Jason Momoa avec ta bière. @SuzumakiQC, j'accepte les donations. Mais en gros, son panel, sa conférence, c'était la plus divertissante selon moi. J'ai eu vraiment du fun. J'ai juste une chose à dire à Jason Momoa, puis ça c'était un star sighting parce sur le conference qu'on sait floor. Tout qui écoute, ouais, on l'a mais, vu sur le floor. Non, pas sur lui, mais je l'ai vu sur le floor, puis c'était une scène très spéciale parce que tout ce que je voyais, c'était Jason Momoa qui se promenait, dur à manquer, avec deux handlers à la Comic-Con, c'est pas des gardes de sécurité trop imposants, mais ils suivent. Et une personne qui avait une boîte, puis il faisait juste mettre... Ouais, lui, il prenait des affaires, puis il mettait dans la boîte. C'était comme, moi, je veux ça. Puis il se promenait. J'ai jamais vu payer. Mais moi, je lui aurais pas chargé, tu sais. Je m'aurais cassé à gueule. Surtout qu'il devait être chaud, en plus. Là. Il avait bu pas mal. Mais c'était cool, sa conférence. Ça. Mis à part lui... je suis allé voir George Takei aussi. George Takei, j'en ai parlé dans une petite capsule, mais regarde le père de Hero dans Heroes. Son rôle mémorable. Le gars qui fait des quotes incroyables sur Internet. Vraiment lui qui gère son compte. C'est vraiment lui. J'en doute pas parce qu'il en parle. Il dit l'Internet, c'est une chose merveilleuse. Ça me permet de pouvoir toucher puis rejoindre des gens que je ferais pas ordinairement. Je peux répandre mes messages puis. Ce gars-là, il était vraiment cool, honnêtement. Là, pis il est souriant, pis il a de l'air de bonne humeur, pis il est tout le temps heureux. Pis... Je serais heureux, moi, avec, d'être un vieux japonais, asiatique, homosexuel de même, qui a fait plein d'affaires. Là. Pis qui a plein de cash en plus. Oh, attends une seconde. Gen. Il est homosexuel? Tu savais pas? Eric, je pense que... Tu devrais savoir par maintenant. Go to the next, je niaise. OK, bon, merci. Mais donc, George Takei aussi, on a pris des belles photos. Regarde, sa conférence était quand même assez intéressante. Il s'est fait poser des bonnes questions. Il y a même une fille qui m'a épaté qui est arrivée. Puis il a parlé en japonais. Puis c'était George Takei qui a traduisait. Mais tu sais, il était pas japonais, pour 5 cents la fille. Okay, au début, il était gêné un peu, mais ça, j'ai trouvé ça cool. Fait qu'il la comprenait bien. Oh, il a... Ben c'est ça, tu sais. Fait que, gars, lui, il dit, ah, elle vient de me dire qu'elle est gênée un peu. Elle parle pas super souvent. Fait que. Puis tu sais, ça j'ai trouvé ça cool, tu sais, puis il y avait une bonne relation avec les gens. Malheureusement, j'ai dû quitter pour aller faire un peu d'autres photographies puis voir d'autres événements. J'ai quitté un panel de 400 personnes en passant. Ça, je fais pas mon dire, hypocrite. Tu t'es levé en plein milieu d'un panel. Ben, en fait, j'ai jamais été assis, j'étais debout tout le long à prendre des photos, fait que c'est pour ça. C'est moins fait d'hiver, il y a une affaire que j'ai trouvé spéciale, il y a juste moi qui se penchait pour pas bloquer la vue du monde quand je bougeais avec mon appareil. Oui. Ou... Il y a juste toi. OK, ben regarde, en tout cas, je respecte le monde, fait que c'est, j'ai mal aux genoux, mais tout va bien. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'ai fini avec George Takei, puis après ça, on est allé se promener sur le show floor. Mais j'ai vu les conférences avec toi, Eric. J'ai fait un peu de conférences indie. J'ai fait des conférences de vedettes. J'ai manqué Sean Astin. Ça m'a fait chier un peu. Ray Parks. J'ai pas fait Gillian Anderson. Parce qu'on l'avait vu à Ottawa. On l'avait vu à Ottawa, fait que je me suis dit, je vais aller me promener un peu puis voir. Puis c'était pas même meilleur à Ottawa, avait... là. J'imagine. Ben moi je l'ai aimé, mais. C'était pas mauvais, c'était juste. C'est ça, pas, c'était correct. Tu sais, c'était comme Marcel Leboeuf, là, tu sais. Ouais. Pour pas voler une joke tu à Mike Ward, là, mais. Fait job, tu sais. Toi, Milter, qu'est-ce qui s'est passé à Comic-Con? C'est-tu une joke de traduction de films québécois, ça, que je comprends pas? Non, mais c'est parce que Mike Ward, il dit à un moment donné, il dit, y a personne qui trippe sur Marcel Leboeuf. Mais y a personne qui l'haït non plus. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il est bon, il fait la job, mais okay, y a personne qui capote, tu sais. Mais Milter, toi, Comic-Con. Ouais. Ben, moi, j'étais allé avec mon gars tous les 3 jours, dans le fond. Moi, j'ai eu 3 journées très différentes. Genre, vendredi, j'étais avec mon plus vieux. Samedi, j'étais avec ma blonde puis mon plus vieux, mais on était déguisés. Ta blonde déguisée en Poison Ivy. Ma blonde en Poison Ivy, puis moi en morph suit. À la bravoure de Milter. Milter et le morph suit. Le geek en morph suit et en famille pour le Comic-Con. Yo, mad respect, bro. Ouais, cheers, Milter. Un morph suit mauve que ma blonde m'a acheté la veille. Puis ta femme en face à qui faisait un très bon Poison Ivy. Ouais. Puis, ben c'est ça, avec le plus vieux, là, dans le fond. Puis, le dimanche, ben on est revenu, mais pas déguisé, ce coup-là, mais avec toute la famille. Fait que les petits, le petit de 3 ans, le petit d'un an, on a pris des photos avec eux autres. C'était bien le fun pour ça. Là. Le monde, c'est une des affaires que j'ai aimées, c'est que mes enfants trippaient, les plus jeunes, c'est le monde avec les costumes. Puis, le monde sont friendly, les photos, tu sais, sont tout le temps... Il n'y a pas personne qui a refusé aucune photo... avec mes enfants là, pour en costume. Là, mais pas juste chose. Les enfants. Regarde, un moment donné, je m'en vais de bord, puis je vois un gars qui a un masque de pigeon. Je fais « Hey, il y a un masque de pigeon! » Le gars, il part courir, ouais. Puis il me donne un câlin. Tu te souviens, c'était un pigeon de Grand Theft Auto 4, hein? Ah, c'était un pigeon de Grand Theft ben Auto 4? Ben oui, il y avait une côte à Nico Bellic avec la tête de pigeon. Faut, hein? OK. OK. Mais je dis ça de même. T'es un mode ce Grand Theft Auto. Un peu, mais non, mais le gars l'a dit aussi, par exemple. Là. Ah, j'ai pas entendu. C'est ça que je dis ça, là. Oui, je suis dans le mode Grand Theft Auto, mais le 5, pas le 4. Tu sais. Ah, OK. Fait que tes enfants, mais, tout ouais, le monde prenait les enfants, photos. Mes enfants, ils trippaient bien raide. Il y a le gars en moto, là, sur le bord de la porte, avec habillé en Wolverine, ouais. Genre, avec sa moto. Puis, il ressemble, hein? Il ressemble un peu. Il a les cheveux, il tout, là, il le déguisement, là, tu les griffes, mais le suit côte de cuir, là, plus, là. Ouais. Puis, tu sais, il prenait les enfin, il mettait ça sur sa moto, le gars en spider suit, Spider-Man du film, puis tout, vraiment pareil, puis c'était cool pour ça, là. Mes enfants, ils ont trippé jusqu'à s'endormir sur le show floor, là, parce qu'ils étaient plus capables. Ouais, c'est drôle de voir tes deux plus jeunes, ils étaient brûlés raides, eux autres, là, se lever, voir Spider-Man, l'autre, une photo c'est avec Hulk. À une conférence, me semble, là, aussi. J'ai amené celui de 3 ans en conférence de T-Dog, j'ai pas vu beaucoup c'est de vrai, conférences. On a eu la conférence de... Mais je n'ai pas vu tant que ça, moi je n'ai vu 3, dans le fond, en fin de semaine, non, ben pas beaucoup, en tout cas pas autant que vous autres, j'ai vu Christopher Lloyd, que j'ai trouvé, j'ai été un peu déçu, sérieusement, j'aurais préféré aller voir François Pérusse, que ma femme est allée voir, puis qu'elle a trippé ben raide, puis que c'était super le fun, puis que justement, mon fils, il a tout compris parce que c'était en français. C'est Steve, que, ça, ouais. Steve, le plus vieux. Fait que là, en tout cas, il faisait ça. Mais moi, j'étais allé voir Christopher Lloyd, puis j'ai amené mon gars voir T-Dog, un petit bout, pendant que j'étais allé vous rejoindre. Je l'avais carrément oublié. C'était quand même cool, son affaire, mais en même temps, c'est limité, parce qu'il faut se dire que le gars, au total, il a fait environ... une saison de Irony Singleton. T'sais, ouais, alors lui, il dit 3 saisons, lui. Il a fait 3 saisons parce qu'il est dans 3 saisons puis il est credited dans les 3 saisons. Mm-hmm. Mais il est juste un personnage, on peut dire, qui sort de la 3e personne pour devenir secondaire et non tierce. Il devient secondaire dans la 3e saison puis il meurt. Mais excusez du spoilers là, pour ceux qui l'ont pas vu encore. Il meurt? Mais il meurt. Quoi? Ok, excuse. C'est un spoiler pour moi. Ben, c'est spoilé, ça que j'ai dit. C'est pour ça que je viens de dire, excusez des spoilers. Mais. Oh my God, je savais pas que c'était plus traumatisé. Tout ça pour dire que, tu sais, il est pas. C'est pas le gros personnage de la série. Puis, ça apparaissait dans le nombre de monde qu'il y avait dans la salle. Parce que malheureusement, c'était pas super gros annoncé. C'était dans une très grosse salle, mais avec très peu de gens. Moi, je pensais que le monde avait eu peur de sa chemise. Mais sa chemise de velours noir, là. Oui, wow. Sa chemise de velours noir bouffante. Mais on n'est pas ça ressemblait à un pirate shirt. On n'est pas là pour juger les styles vestimentaires. C'était le shirt des, à Seinfeld, là. Mais en noir. Ouais. Mais en tout cas, non, mais... Ah, c'était le shirt de ses amis. J'ai vu ça, c'était drôle. C'est une bête. Peut-être. Mais gars, il n'y avait pas grand monde qui l'ont vu, fait que c'est ça. On a des photos sur le collectif. Je fais des références de Seinfeld, personne des 4, panels que, pas que j'ai aimé. J'ai été surpris de l'aimer parce que j'avais fait un peu des jokes là-dessus au début, mais quand j'ai vu Didier Lucien dans les invités, j'étais comme, ben qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi le rapport? Puis finalement, sa conférence était une des plus divertissantes. C'était Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants qui l'animait avec lui. Puis la seule affaire que, pas que j'ai trouvé plate, mais que moi je suis pas un grand fan de Dans une galaxie près de chez vous, mais tu voyais qu'il y avait un die-hard following culte là, dans la salle. Là. Toutes les questions, c'était au épisode 32, quand ton personnage de Bob, il fait ci, puis qu'après Bob, il a des cheveux, puis qu'il mange des pogos, puis nanana, puis tu fais comme, waouh, vous êtes des fans finis qui ont... à regarder ça, puis ma femme, elle rentre un peu dans cette catégorie-là. S'il y a une série qui a très bien raide, c'est ça. Puis c'est à cause de tous les jeux de mots, puis les textes bâtards. C'est un bon show, moi je l'aimais ce show-là. J'aimais le film aussi. Ma blonde, elle est étudiante en littérature, puis tout, là. Fait que tu sais, les jeux de mots de même, là, elle trippait. Fait que je suis allé avoir avec elle. Puis moi, j'ai pu poser une question, mais sur le show le 9.5 qu'animait avec. C'était quoi donc Ah, j'ai un blanc, c'est Cadette, là. Antonio Cadette, tu. C'est ça son nom, Antonio? Ou... Ah. Je sais même pas de quoi tu parles, mais Antonio Cadet. C'était le gars à Musique Plus là, qui faisait l'émission de mode là, dans le temps. Là. J'ai Angelo Cadet, pas Antonio. Puis, c'était félicitations. Angelo Cadet puis Didier Lucien animaient un show au Canal Vox qui était comme un late night David Letterman style. En anglais, il invitait du monde, puis le but, c'était de rendre ça le plus malaisant possible avec de l'impro puis des questions bâtards. Puis ça finissait souvent que les invités braillaient ou ils parlaient de leur divorce puis des affaires de même. Puis c'était pissant parce que moi, j'adore le malaise. Ça l'arrivait pour fait de vrai, ça? Ouais. Puis tu checkeras sur YouTube parce que justement, moi, j'ai parlé à Didier Lucien, j'ai posé la question, j'ai demandé le monde, il était-tu au courant de qu'est-ce qui s'embarquait dedans quand il allait à votre show? Puis il me disait que non. Mais j'y parlais qu'ils ont sorti juste la saison 3 en DVD. Puis que lui, il trouvait ça drôle parce qu'il dit « Moi, j'ai tout chez nous. Fait que je vais tout mettre les épisodes sur YouTube bientôt au complet. » Fait que vous checkez... Ça, t'as mis le vidéo en plus, ça, je pense. T'étais... C'est ma femme, elle m'a filmé pendant que je posais la question. Habillé en rose au complet. Là, je vais le retrouver. Là, je vais essayer de le partager. Là, en tout cas, j'ai parlé à Didier Lucien de ça. J'ai aimé le panel, en gros. C'était mon panel préféré qui était tout petit puis que je m'attendais vraiment pas à aimer. Fait que tu sais, des fois, quand on a un petit blanc puis on sait pas quoi faire, un petit trou, là, on va voir un panel qui fonctionne. Mais c'est d'essayer pas des affaires, mais qui part. Mais c'est ça, vas-y, essaye. Puis tu peux être surpris. Sinon, une des affaires que j'ai bien aimées, puis encore, ça va être l'air un peu niaiseux, ça, là, mais c'est la salle de cartes. J'étais allé jouer... T'es-tu allé jouer au Pokémon? J'étais allé avec mon gars, on est allé voir... Je suis pas allé jouer, mais on est allé voir du monde qui se faisait des tournois. Puis, ton gars, il a strippé, Steve, là, Ouais, mais c'est lui, avec lui qu'on joue au Pokémon, mm-hmm. Fait qu'on est allé voir, parce que je l'ai traîné 3 jours avec moi là-bas. Puis, gars, il y a des tables, là, le monde, là, face à face, plein de jeux de stratégie. Puis j'ai compris que si on arrive là... Il y a des jeux qui sont là pour essayer, qu'on peut juste se pogner le jeu sur le bord de la table, puis on s'en va s'asseoir, puis on essaye des games de zombicide avec du monde, genre Nowhere, qu'ils ont jamais joué, mais qu'ils veulent essayer, puis ils vendent des jeux en plus à cette place-là, plein de jeux de société. Puis il y a sûrement des gens qui peuvent montrer comment les jeux fonctionnent. Ils te montrent comment ils fonctionnent. Il y a des tournois, genre à telle heure, bon, tout le monde arrive ici, faut que je fais un tournoi de ça, Pokémon. Là. C'est bien plus cool que je pensais, que j'avais juste checké. La salle, fois, on est passé, c'était la salle qui avait les affaires Upper Deck, là, c'est non? Tu passais devant quand t'allais dans les petites conférences, dans le fond, t'avais pas le choix de passer devant. C'était à côté des salles de jeux vidéo puis de DJ, justement. Mais en passant, c'est pour ça qu'on est trois à parler de l'événement, parce qu'on a chacun vu des choses différentes. Mais je pense qu'on a bien fait de là-bas, se splitter cette vraiment, année, honnêtement. C'était vraiment cool, puis mon gars, il a trippé, parce qu'il aime ça, puis moi, avec, je trippais, puis c'est ça, là, c'était quelque chose de vraiment le fun. Ton kid, il a pas joué, ou... Non, il a pas joué. Il a acheté des nouvelles cartes, puis cool. Il s'est fait référer par un gars de quel genre de paquet acheter pour quel genre de Pokémon ben qu'il veut. Puis je pense qu'il est rendu qu'il va essayer de se monter des psychiques. Là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il vient de dire. Ben, des psychiques, là, genre, okay. Des Pokémon psychiques. T'en as pas un qui a une cuillère? Fait que ça il y en a un, ouais, là. Mais en tout cas, il veut se partir un team de même, genre là, un deck de psychique, là, il est dans son trip de même. Là, fait que le gars, il a dit punk tel paquet, puis nanana. Puis j'ai une question, parce qu'on est en train de dîner, puis ta femme a dit quoi, genre pour dissuader Steve de jouer. Tu calme-toi, tabarnak. Non, à part de ça, elle l'a regardé, puis elle a dit, tu sais, quand tu joues pour de vrai, tu perds les cartes. Ouais. C'est-tu vrai, ça? Ben, oui pis non, c'est comme les billes, tu sais, genre... Là, t'es sérieux? Attends un peu. C'est comme les billes? Ben, tu sais, quand tu joues aux on billes... On est-tu rendu dans cette gap générationnelle? Non, mais là, c'est ça qui fait que ces jeux-là sont tellement... C'est le fait que tu perdais tes affaires si tu perdais... Moi, c'était des pogs. Ben, les pogs, c'est la même affaire, là, tu sais, dans le non, sens non, mais que... les billes, c'était mon père. Ouais, non, moi, j'ai joué aux billes aussi. Moi, j'ai joué aux billes, fait qu'on se calme. J'ai joué aux billes avant les pogs, là. Ouf! En tout cas, tout ça pour dire, gars, les pogs, t'es perdais. D'après les lois, techniquement. Oui, les lois, tournoi. Tu perdais tes pogs. Tu gardais ton slammer, par exemple. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a eu dans le temps des affaires de si tu perds ta carte, tu perds ton Pokémon. Puis au Pokémon, puis la c'est le même. C'est pas vraiment de même, en tout cas. Ma blonde a dit des affaires de même pour faire peur. Ah, j'étais pas sûr. Moi, j'ai regardé Steve, je suis comme, mais c'est toi, je sais pas, là, je sais pas quoi qu'il croit. C'est comme quand il a dit que tous ceux qui mettent des casquettes avec la palette plate finissent en prison, pis qu'ils prennent la... C'est juste parce qu'elle voulait pas qu'il mette sa palette plate. c'est aucun préjugé ou quoi. Okay, excuse, on dérape. C'est la psychologie hein, avec les enfants. Fait que mis à part la salle de cartes et de jeux de société. Mais sinon, c'est quoi donc que j'aimais? J'ai beaucoup aimé, j'ai magasiné pas mal dans le sens que j'ai fait le tour, j'ai eu le temps de fouiller un peu. Mais justement, Joe, qu'est-ce que t'as acheté? Pour moi, là, ouais. J'ai pas acheté à rien sauf une seule affaire. Ok. Ah, mais toute une c'est des lunettes plate, Minecraft. Ah, les lunettes comme pixelisées? C'est comme moi, mon frame de lunettes. C'est comme un gars des lunettes à gros frame noir, mais en pixel, dans le fond. Là, c'est pour ça. Là, je voulais m'acheter. T'as-tu pris une deuxième hypothèque? T'as acheté tes lunettes Minecraft? Non, ils m'ont coûté 10$. Ah, mais c'est bon. Vraiment ça. Pas cher, là. Mais c'est parce que je voulais m'acheter aussi des gros trade paperback là, un peu. Là. Ouais. Mais celle que je voulais, c'était Infinity Wars. Puis, tabarouette, j'ai un blanc. Là, les Marvel, Colin, Super Wars ou... Secret Wars? Secret Wars, ouais. C'est ça. Là, parce qu'il y en avait deux. Tu as acheté ce trade paperback? Non, là? Mais c'est ça, je voulais l'acheter. Il était plus ou moins pas cher, si on peut dire, là, dans le sens qu'il y avait un bon deal dessus. Mais le jour que j'ai voulu faire mes achats, j'ai eu un imprévu avec ma femme. C'est on pensait avoir perdu le portefeuille de ma femme qui, dans le fond, a été oublié chez nous au début de la journée et non perdu là-bas. Fait qu'on pensait avoir perdu comme 200$ de notre budget de la semaine et puis finalement, vous avez des cartes puis des affaires. Ben oui puis non, dans le sens que j'avais pas nécessairement 200$ à gaspiller en partant. J'avais comme 60, là. Mais je m'ai dit, si je garde ce 60-là, c'est déjà 60 de plus que le 200 perdu. Là. J'ai juste 140 dans un sens de perdu. Fait que je me suis retenu de pas trop acheter puis je m'ai convaincu que je vais pouvoir les retrouver ailleurs ou... sur internet au pire ou dans un magasin local peut-être pas au même rabais mais que je vais pouvoir les retrouver mais c'était, fait que c'était juste vraiment les lunettes que t'as acheté toi? Ben moi j'ai acheté juste ça, on a quand même acheté un petit toutou de Sally de Nightmare Before Christmas à mon c'est gars vrai qu'il est belle, ça. Parce qu'il trippe ce film là puis on a acheté comme des cartes Pokémon pour le plus vieux puis le bébé je sais même pas s'il y a eu de quoi, je me souviens même pas. Toi, Eric, t'as-tu acheté quelque chose? Oui. Ben moi, à chaque fois que je vais, j'ai un petit shout-out à Blue Griffin, là, qui sont pas mal toutes les Comic-Con que j'ai vues. C'est un gars vraiment passionné qui apporte sa famille à vendre sa réserve de jeux used. Puis j'ai creusé un petit peu dans sa collection de Super Nintendo. J'aurais aimé acheter plein de choses, mais je me suis limité au Super Nintendo. Je me suis pogné NHL 96. J'aurais pu prendre le 94, mais 2014, j'ai dit de la merde, j'aimais non? différent. Non. Non, mais c'est parce qu'il y a un gros hype que 94, c'est le meilleur. Mais, ouais. Mais ils sont tous pareils jusqu'en 97. 2014 a un mode 1994. Yeah, ouais. mais le mode 1994 pourrait être aussi mode 95, 96, 97. C'est toute la même espèce d'affaires. À part de ça, j'ai pogné aussi RPM Racing que je voulais avoir la dernière fois. Oui. Puis là, je l'ai acheté. 5$. Puis ça, 5$, ça c'est pas cher ça. Je sais pas, c'est parce que je pense qu'ils savent pas c'est quoi. Puis je suis sûr que ça vaut rien. Mais c'est quand même, d'après moi, un des premiers. Pour toi, ça vaut quelque chose. C'est le premier jeu de console de Blizzard, man. Ouais. Comme, come on. J'adore Blizzard. Oh, mais il y a peut-être des cases pleines, lui. Fait que pour lui, c'est 5$. Ben, peut-être, ouais. Puis je me suis pogné aussi Super Black Bass. Jeu de pêche. Que ça a l'air très stupide. Mais Chris qui était hot. C'est le fun des jeux de pêche. Man, mais ce jeu-là, il est hallucinant. La musique, elle me rappelle comme j'avais 13-14 ans encore en train de jouer Super Nintendo. Oh. J'adore ça. Les étés de ma jeunesse. Faut que tu jeunesse. Comprennes comment jouer, mais une fois que tu comprends un jeu de pêche, c'est vraiment cool. C'est ça. Puis moi, je suis du genre comme... Tu sais, tu regardes les Mega Man, puis tout ça. J'y vois, puis j'y veux, mais je me dis... J'ai toutes les collections au PlayStation qui ont toutes les Mega Man, puis pour moi... Moi, je suis content d'avoir le jeu. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir la boîte. Ouais. Mais cela dit aussi, j'ai acheté une coupe de t-shirts. J'ai acheté une t-shirt de Superman, Supergirl à ma femme. Moi, je me suis acheté une t-shirt de... Le petit saut sexy. Là, Ouais, mais pour voir ses seins. Hein. J'ai acheté aussi une t-shirt de l'Alliance, de World of Warcraft. Et je me suis pogné une t-shirt aussi qui dit, elle est pas bien écrite, mais ça dit if the world was more like World of Warcraft, I would have already killed you and looted your corpse. Mais tu peux pas faire. C'est bien joyeux ton chandail. Positif, je trouvais ça message. Drôle comme t-shirt, mais tu peux pas faire ça dans World of Warcraft. C'est pas Ultima Online, ça là. Ah, c'est vrai, hein? Faut que tu le challenges. Tu l'as acheté pareil. Tu peux... Ouais, mais je l'ai acheté parce que je trouvais ça drôle quand même. Là, parce mais que c'est ça... là, la joke, c'est... lui, c'est comme pour le vrai joueur de Warcraft. Lui, il y a une inside dans l'inside. C'est ça, c'est je l'ai drette là avec ma t-shirt de Dungeon and Dragon, là, où ce que, in real life, I'm a level 12 paladin, là. Ouais. Mais en tout cas, j'ai acheté ça, puis c'est pas mal mes dépenses que j'ai faites. Mais j'ai vraiment regardé Blue Griffin, là. Ben, j'ai regardé plein de choses, mais Blue Griffin, c'est vraiment le fun. Je trippe sur des jeux. Si j'aurais du cash, j'achèterais tout. Mais moi, quand je vois un bon jeu de Super Nintendo qui est à 45$ pour Donkey Kong Country, j'aimerais ça être assez riche pour dire je l'ai, c'est à moi. Mais ça marche pas comme ça pour moi, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai la misère à payer ce prix-là pour des. Mais je voudrais. Si j'aurais. Sais-tu quoi, si j'aurais le cash, je le ferais. Mais je me concentre en ce moment, mes collections de jeux vidéo, là, je pense à mon budget. Je collectionne du PlayStation 2, du Xbox, puis du GameCube. Ça a l'air de rien, mais c'est le marché à investir dedans en ce moment. Si tu investirais dans du Super Nintendo et du Nintendo aujourd'hui, t'es stupide, ça coûte trop cher en ce moment. Tu vois, tu me fais penser, parallèle, là, j'ai vu une photo sur Facebook cette semaine, un de mes amis du secondaire, Daniel Tremblay, il était dans les studios, dans les locaux de Game Informer cette semaine, puis il a pris une photo dans leur voûte où t'as vraiment... Ah, elle doit être hallucinante. Tous les jeux que Game Informer ont couverts. Ou... Hey, yeah, c'était fou comme photo, là. Mais mis à part ça, fait que des t-shirts, des jeux vidéo old school, des choses comme ça. Pas mal tout. J'ai regardé à plein de choses que je voudrais acheter, mais j'ai dépensé plus sur de la bouffe. Les restos ouais. Là-bas, c'est un petit ouais. peu cher. Là, c'est mais... cher, la bouffe, pareil. Honnêtement. Mais la soupe, mais la meilleure... Garde... Tip, pro tip, va à Chinatown, la prix, taxe inclus, c'est super vite, c'est super ouais. bon. Puis c'est à côté, honnêtement. Là, c'est juste à côté. Ça a été aussi vite d'aller manger à Chinatown puis de revenir que d'aller, mettons, au Noodle Box ou quelque chose de même en hey, bas. Puis... Le Chinatown à Montréal, là, c'est un vortex de taxes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais toute la bouffe est taxe incluse, est cheap, puis est bonne. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Excellent. Moi, toi, mais toi, tu t'es fait gâter en même temps. Ben, moi, j'ai rien acheté, mais ça a l'air que ma blonde, elle m'en voulait pas de l'avoir amené comme école. Clémentine, là. Clémentine, merci beaucoup. tu m'as gâté comme ça se peut pas. Moi, c'était la première fois que j'amenais ma blonde à Comic-Con. Puis c'était la première fois qu'elle allait là-dedans. Fait que, tu sais, elle y allait un peu de reculons. Ben, pas de reculons, non. Il y allait à bras ouverts. Elle a acheté. Elle savait pas c'est quoi qu'elle s'attendait. Elle a trippé sur une couple de choses. Mais je pense qu'elle, elle s'est surprise d'aimer ça autant que ça. Parce que, tu sais. Jason c'est Momoa souvent, en particulier. Souvent, tu sais, elle me parle, puis on se comprend, puis on se respecte beaucoup, mais tu sais, mon monde geek, c'est tout le temps un peu intimidant, puis c'est un peu... Puis elle est rentrée là-dedans, puis la première affaire, elle est arrêtée d'un kiosque, Geneviève FT, je pense. Puis la fille, elle dessine des pin-ups, puis des affaires de même, puis elle avait fait son livre, puis là, Clémentine s'est mise à y parler. Puis après ça, la fille, elle lui donne une carte, elle dit « Va voir au kiosque 417 Labyrinthe, ils vendent mon livre ». Fait que là, on part au kiosque à 17, achète le livre, il en reste rien qu'un. Là, finalement, réussit à pogner le livre, elle revient, refait signer. Puis ça, c'était comme son premier achat. Puis tu sais, tout de suite, elle m'a regardé, puis elle a dit hey, « je viens de payer 30$ pour un livre. » Puis là, elle filait chier, puis elle dit « arrête, t'as un beau souvenir. » Puis la fille, elle a dessiné une pin-up dedans. Là. Elle a pas juste signé, elle a fait un dessin custom. Puis moi, j'ai trouvé ça super hot. Puis si je peux ajouter, c'est le genre de dessin très sexy où ce que t'as des fesses voluptueuses. Là. Ben c'est ça, c'est des vraies femmes. C'est cool, des là. Belles femmes qu'elle dessine. Geneviève FT, elle a une affaire sur Etsy. Je pense que c'est etsy.com/shop/GenevièveFT. Mais allez voir ses dessins. Même moi, j'ai resté surpris. C'était super beau. Puis elle a son bouquin qui est vraiment génial. Mais Clémentine, elle m'a acheté un livre. C'est Jedi Academy. Mais c'est une version de livre pour enfants de Scholastics. Puis c'est vraiment hot. Moi, c'est des affaires que je trippe. De... Tu sais, j'ai déjà Darth Vader and Son, puis des affaires de même, puis de kit. Mais tu sais, c'est des beaux petits livres. De moi, je me suis parti une collection de livres de table à café geek. Fait que tu sais, mettons, j'ai comme les BD de Kick-Ass, j'ai l'omnibus de Star Wars, j'ai le Darth Vader and Son, j'ai un compendium de Walking Dead, des affaires de même. Je fais la même chose chez nous, mais c'est dans ma chambre de bain. Ben tu vois, regarde, fait que toi c'est un... Je fais ça avec des livres de Kama Sutra pis tout, comme ça le monde est rentre chez nous pis il fait comme « Oh, Melter! » Melter is continue. En gros, c'est ça, tu sais, il n'y a pas eu 40 millions d'achats, j'ai été très conservateur cette année, j'ai été déçu un peu des t-shirts, 2 pour 45... plus les prix taxe. Pour les t-shirts, fuck off. Mais puis, toi, pas beaucoup de choix, je trouve, ouais, que mais... sur Jack of All Trades, il y a plus de choix que... Ben, Jack of All Trades qui donnait des cartes à l'entrée avec 50% de rabais sur le site en ligne. Y avait-tu un kiosque? Non, il y avait pas de kiosque cette année. Non, mais il y avait un Christy de kiosque que j'ai acheté mes t-shirts de, no hate, mais qui vendait du Jinx puis qui vendait du stuff comme ça à trois fois le markup que tu peux l'avoir en ligne. Ah, parce qu'il l'a fait venir, puis il le vendait, puis... Ça, moi, c'est un affaire. Frustrant. Moi, comme, c'est parce que tu mises sur l'avoir tout de suite, puis même moi, j'en ai tombé victime, parce que je le voulais tout de suite, mais c'est chiant, là, comme... Pas de spécial, même pas à la dernière minute. Là. Mais moi, tu vois, regarde le kiosque à t-shirt en question. Là, quand j'ai regardé ça, j'ai fait « Hey, mais ça, c'est cher, c'est ça. » C'est le même, pour 48, c'est le même qu'à Ottawa. C'est le même qu'à Ottawa qu'on chialait qui pour... montait ses prix. Ah, ben toi, tu parles du 2 pour 45. Mais il les... y en a un autre qui avait 2 pour... 26 pieds à chaque, 2 pour 48. Non, c'est trop cher. Lui, regarde, qui faisait le tour, là, si on peut dire. Là, mais c'est l'autre Et que tu parles... Il m'a donné la marde parce que je checkais pour les grosseurs. Là. Personnellement, il n'y avait pas de choix comparé mais honnêtement, à Ottawa dans c'est ce kiosque-là. Mais je trouve que cette année, il y avait beaucoup plus d'artistes locaux. Il y a Christian Bolanos qui était venu faire des épisodes avec nous. Ouais. Chris s'est acheté un beau dessin de Daft Punk que la fille y avait fait. Il a acheté des affaires eux-mêmes. Guillaume Hamel s'est fait dessiner des BD puis tout. Je pense que cette année, c'était l'année pour l'artisanat. Ouais. Les gars, il y avait bien des kiosques, bien des artistes. Les indépendants étaient plus forts, si on peut dire, cette année que... Ouais. Mais Guillaume Hamel, il y a un beau blog post sur ses expériences qui sont très différentes que les miennes. Parce que moi, j'adore visiter les artistes. Mais juste à les BD, lui. C'est ça, ouais. Puis il y a eu des belles affaires. Il me parlait de ses éditions de Vaillant puis de le kit. Il a fait un post sur guillaumehamel.com qui est son blog personnel. Ça paraît un peu avec son nom dedans. Mais j'ai fait un lien sur la page du collectif, justement, sur Facebook. Allez voir ça, c'est quand même cool. Il s'est fait dessiner un Death of Spider-Man. Ouais, c'est vraiment cool. Bien fait. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on ferme sur une chose. C'est quoi la raison pourquoi on allait à Comic-Con cette année, chacun d'entre nous? Est-ce que ça a survécu à nos attentes? Est-ce que ça valait la peine? Puis, c'est quoi notre plus belle surprise? T'as pas dit une chose? Ouais. Non, mais finis, on non, fait non, chacun notre chose, affaire là, bien t'sais. Vite. Moi, je vais dire la plus belle surprise pour moi. Puis ça, c'est pour Comic-Con Montréal. Puis j'espère que t'as plus de conférences de ce genre-là à Montréal. Parce qu'on a les mines à vraiment trouver toutes les ressources là-dessus. Mais man, le gaming, là, je trouvais ça très cool. Parce que oui, c'est le Montreal Comic-Con. Oui, t'as Artist Alley. Oui, t'as des panneaux sur tes conférences sur les gens qui sont des dessinateurs. Il y en avait plein. J'ai pas trop parlé, là, mais le 50 Years of X-Men qui était très bon, des choses comme ça. Mais on avait Sony, on avait t'avais des Warner. Jeux. Sony était là, aussi. Time Warner était là. Puis les conférences de les indie devs, puis de le back behind the scene de qu'est-ce qui se passe au gaming à Montréal, là, on était très chanceux génial. De voir ça. Moi, poursuivre un peu dans ta voix, là, mais c'est pas ça a pas rapport, ça a plus ou moins rapport avec Comic-Con, mais juste de même, je me dis que Montréal est vraiment dû pour avoir un festival, conférence du même genre, des jeux vidéo. Je pense avoir venir. Parce qu'il y avait Arcadia avant, puis c'est dommage que ça n'existe plus. Il paraît qu'il y avait une organisation plus ou moins legit douteuse ou peu importe, mais je suis pas au courant, fait que je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais... on est dû pour un revival ou que quelqu'un prenne en main. C'était. Mais il y avait une conférence sur l'histoire des jeux vidéo qui a passé cet été. Que on a été invité à. J'ai pas pu y aller à cause des imprévus. Ouais. Mais ça, c'est. Un bon 2-3 jours là, concentré là-dessus. D'après moi aussi. Mais... parce qu'on a des cours d'histoire des jeux vidéo à Montréal. On a des têtes vraiment responsables là-dessus. Puis je pense que ça s'en vient. Hein. Fait que c'est ça. Puis sinon, moi, que j'aimais, les gars, j'ai eu du fun à faire découvrir ça à mes enfants. C'est peut-être ma plus grosse affaire cette trippant, année. Ça, hein? C'est de voir que mes kids tripaient, puis voir. Tu sais, je sortais mon horaire, là, puis je regardais mon gars, puis je dis, gars, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est comme le tournoi de Pokémon. Ok, on s'en va là. Ah ouais, après, on s'en allait voir les jeux. C'était vraiment cool. Puis. C'est ça, la seule affaire négative, j'ai à dire, c'est qu'il y a une couple de bénévoles là-bas qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Puis c'est ça, là, ils comme passent pas par là, mais passent par là. Puis là, quand tu checks, c'est comme ça n'a aucun rapport. Ah, surtout toi avec la poussette. Puis ça, puis avec la poussette, ils nous forcent à prendre les ascenseurs, quelque chose que je trouve con quand que je tiens mon bébé dans le carrosse. Question là. De sécurité. Mais ça, je peux comprendre, mais les ascenseurs, faut que tu marches, ils sont très mal proportionnés, puis il y en a qui sont barrés. Puis d'autres qui le sont pas, puis c'est comme pourquoi que t'as barre, je comprends pas. Sinon, tu sais, c'est les seuls petits points désagréables un peu que je peux dire. Puis je voulais parler de quoi? C'est con, là, mais c'est mon côté gars qui joue au 3DS. quand vous allez dans une place de même, là, moi j'ai eu mon doute, là. J'ai dit à mon gars, j'ai dit là, aujourd'hui, j'ai dit tu pognes ton 3DS, là, puis tu le mets dans mon sac, puis moi je pogne mon 3DS, puis je le mets dans mon sac. Parce que là-bas, tout le monde a une 3DS. Quand tu vas au Comic-Con, une personne sur le 5 a un 3DS dans les poches, puis tu le sais même pas. Fait c'est pas des événements de même. Là, tu rencontres tout le monde là, à toutes les fois. Là, puis que les deux premiers soirs, je revenais chez nous puis j'avais 10 nouvelles personnes rencontrées que je pense que 10, c'est le maximum que je peux avoir one shot avant de l'ouvrir puis de les voir. Puis j'avais 10 personnes nouvelles puis c'était comme tout du monde. J'ai eu du monde de la Chine, des États-Unis, c'est l'ose que t'es vois de l'Ontario, de Saskatchewan. T'sais, c'est là que je me dis, Chris, il y a du monde vraiment touriste ici parce que j'ai rencontré là-dessus. Puis le dernier jour, dimanche, c'est mon gars qui m'a fait réaliser ça parce que pendant qu'il y avait le petit break de dîner puis qu'il mangeait du Subway, ben pendant que ses petits frères, ils finissaient de dîner parce que c'était plus salissant et plus long pour eux autres que lui, ben il a dit « Passe-moi mon DS, je vais jouer en attendant. » Fait qu'il a pogné ça, les 10 personnes ont passé. Puis après, ben il l'a refermé. Puis là, j'ai dit « Hey, si j'en ai 10, moi, avec, vu qu'on retourne en haut d'un panel puis dans l'exhibition puis voir les marchands, puis tout, après, on va rencontrer d'autres mondes. Fait que le dimanche, on a rencontré comme 20 ou 25 en plus. Wow. Fait qu'avoir su, avoir pensé avant, à toutes les comme heures ou deux heures, je l'aurais ouvert juste pour dire, comme claque, débloquer mes personnes en marchant. Puis j'aurais pu rencontrer sûrement 400 personnes dans la fin de semaine. Là, ça, c'est cool, quoi. Ça. Fait que, en tout cas, amenez vos DS quand vous allez dans les places de même. Surtout comme Comic-Con, là, que... On s'entend que c'est une place de jeux vidéo, de BD, puis d'affaires de même. Là, fait que moi, ce que j'ai bien aimé cette année, là, c'était de la manière qu'ils avaient organisé ça. D'un, là, les files d'attente pour les grosses conférences, de faire ça à un étage supérieur, puis t'avais une salle pour la file d'attente. Puis ouais. L'organisation cette année, chapeau à tout le monde. Là, regarde, vous avez vraiment bien fait ça. Ça circulait toi, bien, c'était le fun, c'était plaisant. Puis oui, tu sais, t'sais, on a eu une couple de bénévoles qui se prenaient beaucoup au sérieux, mais le monde avait un sourire. Mais ils n'utilisaient aussi pas leur logique la plupart. Ça dépend. Les chandails gris, c'était du monde avec un salaire qui était engagé. Puis tu disais, eux autres, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font puis qu'ils gèrent des affaires. Et certains chandails verts, pas tous, certains, tu voyais que c'était comme, je suis là, puis je spot s'il y a de quoi qui est vraiment louche, mais sinon, je fais juste être site. Puis des fois, il était comme 5 à crier, comme, bon, moi, ton bracelet. Puis, mais tout le monde était souriant, puis tout le monde était de bonne humeur. Puis si ça, t'es bénévole, cool. Là, puis t'es pas content de ce que Milter dit, Zombie Milter, ouais, dis-moi-le sur Twitter. Mais, gars, l'organisation, moi, ça a été un de mes coups de cœur cette année. Ça fait longtemps que je vais à Comic-Con, puis c'était la meilleure édition pour ça. C'était bien organisé. J'ai apprécié beaucoup de costumes cette année. J'ai vu beaucoup. Hey, t'avais le monde qui était déguisé. Je sais pas si c'était des Skylanders. Tu sais, t'avais un gars qui était déguisé en roche. Là, genre ça, c'était des de Skylanders. Roche, il était incroyable, leur costume. C'était super le fun. Il y en a qui étaient vraiment forts. Il y en a qui étaient. Le Hulk qui est cool. Le Hulk qui était cool. Puis, Ace Ventura, chapeau à Ace Ventura. Si t'étais allé au Comic-Con cette fin de semaine, tu sais que tu l'as vu. Lui, il y a du monde. Là, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a du monde qui l'ont filmé, qui l'ont partagé. Mais il y a d'autres mondes. Parce que lui, il est venu en métro. Puis j'ai vu ça sur genre, ça doit être comme poahahaha.com, là. Okay. Une affaire de site nowhere sur Facebook qui partage. Puis c'est devenu un petit peu viral, mais tu voyais le gars de Ace Ventura, déguisé en Ace Ventura dans le métro. Oh puis qui God. Exagérait, puis qui faisait son personnage. Mais là, tous les commentaires du monde, c'était comme « Check le gars, ça a poudre, nanana, c'est dégueulasse. » Puis là, on disait « Non, non, il est en cosplay d'Ace Ventura. » C'est un acteur, là, je l'ai entendu, il t'en parlait avec quelqu'un, mais c'est un acteur qui a chargé d'exposure. J'ai une vidéo, là, si jamais je peux le il partager. Là, mais dans Ecto 1, là? Non, mais moi, j'ai une vidéo, pas dans Ecto 1, j'ai une vidéo, j'en descends les escaliers. Puis on le spot, puis je vous niaise pas, il y a un gros cercle de gens alentour. Ah, mais il est incroyable, puis là. C'est hallucinant. Oh, ouais. Mais tu sais, gars, moi, c'était mon gros coup de cœur, mon hype. Moi, j'étais allé là voir Battlestar Galactica Reunion. J'ai été déçu un petit peu de certaines cancellations, mais j'en ai eu pour mon argent, par exemple, parce que c'était cool de voir les conférences d'eux autres. Puis j'ai pu prendre des photos incroyables. J'ai pas acheté beaucoup, mais honnêtement, cette année, garde, j'ai passé proche t'as de faire des fuites. T'as profité de là-bas. Mais, là. C'est ça, mais cette année-là, j'ai pas magasiné des jouets ou des figurines ou des BD ou des affaires de même, mais j'ai écouté un paquet de monde. BioWare Montréal, en fait, BioWare, du coup, vos conférences m'ont charmé, c'était incroyable. Garde, J'ai trippé. J'ai juste trippé. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, il y a des cancellations. Oui, des fois, on est déçu des cancellations. Mais ça vaut pareil la peine d'acheter le billet dès le début. Parce que moi, oui. Moi, là, je m'en fais même plus avec qui va être là. Si je me dis, je m'en vais à Comic-Con pendant 3 jours. Puis, tu sais, c'est ça. Je m'en vais là pour me faire du fun. Puis, that's it. Le monde qui vont être là, ça va être juste du bonus rendu là. Mais oui. Parce que je le sais que le monde qui annonce des fois au début ne sera pas nécessairement le monde qui vont être là une fois rendu là. Puis il serait toujours. Tant mieux si oui. Mais si c'est pas le cas, mais je m'attendais pas à grand chose, puis je suis pas déçu. Puis au pire, j'ai juste des belles surprises de monde qui remplace, puis des affaires de même. Là. Fait que tu sais, ça vaut la peine de sauter sur le deal au début, puis t'as les 3 jours en deluxe, pas de line-up pour le prix de quasiment un samedi. Yep. Là. Exactement. Tout aussi bien de le faire aussitôt que les billets sont en vente, garoche tout dessus. Donc en gros, on achète nos billets d'avance, on se rend toujours au Palais des Congrès pour le Montreal Comic Con, on se prend en avance, on prend nos billets. Puis le Palais des Congrès aussi, là, excellente place. Là. Ah, c'est la wow. meilleure place. L'accès au métro est collé à côté, le parking est disponible, très moderne, pas dispendieux, là, c'est, ça va bien. Ça. Pas de table à langer dans les toilettes pour les bébés, je dis ça de même. Il y a une toilette, sais-tu quoi, il y en a. Mais faut que vous ayez à la toilette du milieu. Au quatrième, il y en a pas. On est allé voir. C'est une table mouillée qu'il y a. OK, excuse-moi. Mais on a checké. Bon. Mais je comprends parce que c'est une salle de conférence. Puis ouais. Il doit pas avoir tant de bébés que ça. Mais en tout cas. En gros, là, faut acheter nos billets d'avance. Faut aller le vivre. Télécharger l'application Guidebook. Très utile. Sur Comic-Con, ils l'ont dit. Leur Guidebook est interactif. Il est updaté à chaque jour. Premièrement, à Montréal, on est chanceux comparativement à Ottawa. Il y a du signal, les téléphones rentrent, ouais. Il y a de l'Internet. Il y a du Wi-Fi à 12$ par jour fourni par le Palais des Congrès aussi LTE pour les gens. All weekend. Le LTE 3G rentre à grandeur. Le 4G de Vidéotron 4G, rentre là aussi. 3G, garde, 5G. Le guidebook vaut LTE, la peine d'être téléchargé. Faites votre planning. Aussitôt que vous allez voir un peu l'horaire, il donne, je pense, c'est une semaine d'avance. Commencez à spotter puis essayez des affaires différentes. Allez dans puis, les petites même, conférences. Même là, le matin, tu te lèves, tu pognes ton mais guidebook oui. Puis tu checkes ça te dit carrément telle heure jusqu'à telle heure. Il y a moyen de faire son propre horaire. En plus, dans ça t'envoie des notifications. Moi, je pense, honnêtement, si vous ne faites pas partie des 42 000 personnes qui sont allées à Comic-Con cette année... Vous êtes cave. Non. Ben, en bon non, québécois, je veux inciter le monde, vous êtes cave. Vous passez à côté de quelque chose. Moi, je vais le formuler d'une manière okay, un peu plus okay, polie. Okay. Mais il passe à côté de quelque chose. Regarde, ça vaut la peine. Achetez vos billets. Allez faire un tour. Surtout si vous avez des enfants. Amenez-les là-bas. Ils vont triper. C'est super. Puis faites plaisir à l'enfant dedans de vous aussi. Un moment donné, la vie est super sérieuse. Ça vaut la peine d'aller se promener puis croiser du monde déguisé en n'importe quoi. Jaser avec n'importe qui à propos puis de choses qui nous passionnent sans jaser, que le monde nous juge. Ouais. Profitez-en, allez à Comic-Con. On est le Geek Collectif. Ça nous fait plaisir de partager nos passions avec vous. Vous pouvez nous suivre sur facebook.com/geekcollectif le podcast. Oui. Sur Twitter au @geekcollectif. Envoyez-nous vos photos, vos opinions, n'importe quoi via le Twitter ou sinon à nos courriels au podcast@geekcollectif.com. Moi, c'est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter au @uzumakiqc. Envoyez-moi vos photos de cosplay. Ou des histoires de choses qu'on a peut-être manquées. Ou des histoires de choses qu'on a manquées. On va publier le contenu sur la page Facebook et sur Twitter. On veut votre contenu. Milter! Vous pouvez me suivre sur Twitter à ZombieMilter. Fait que envoyez-moi les photos de cosplay là-dessus. Puis sur Facebook, ben Jonathan Milter, mon nom. Et pas mal partout ailleurs, là. Tu peux me trouver sur YouTube, des cassins de même. Là. Moi, Montréalien Eric... sur Twitter, Montréal IEN, Montréalien sur Facebook. Milter va être fru qu'il n'a pas pensé, mais Montréalien sur Life Invader, stock oh. ma page. Oh! J'ai même pas. C'est pas que j'ai pas pensé, c'est que mon profil n'est pas encore fait sur Life Invader parce que l'application ne fonctionne pas super bien. Donc, merci d'avoir été avec nous en souhaitant qu'on vous ait titillé un peu à propos de Montreal Comic Con. Nous serons présents l'année prochaine également. Donc, merci à vous et passez une bonne et heureuse semaine. Prochain épisode, l'épisode 25, qui oh traitera oui. du hype à propos des choses. En l'occurrence, je pense que Milter va nous parler de Grand Theft Auto. Oui, aussi. Donc, merci à tous et passez une bonne soirée. À bientôt.